Virgin Radio. Camille Combal arrive dans un instant. Il paye votre loyer dès 6h20. Vous inscrivez le loyer, votre numéro de téléphone au 7-12-13 depuis lundi. On vous a offert près de 8 900 € de loyer. Et 8 900 €, c'est aussi son salaire pour chaque flash. Alors autant vous dire qu'on va en profiter. Les infos de Tristan Sarah, c'est maintenant. Salut Tristan. Salut Robin, bonjour à tous. Une belle journée encore aujourd'hui sur l'ensemble du pays avec beaucoup de soleil. Un mercure agréable, 27 degrés en moyenne cet après-midi. Le ciel restera bien dégagé tout le week-end à part quelques averses attendues demain des pays de la Loire à la Normandie. C'est un peu Michel Blanc sur son télésiège dans les bronzes et fonds du ski. 33 touristes viennent de passer la nuit la plus vertigineuse de leur vie. Ils sont restés bloqués dans un téléphérique à plusieurs centaines de mètres au-dessus du Mont Blanc après un incident technique. 77 autres personnes qui étaient elles aussi coincées dans les cabines ont pu être évacuées. Certaines électroyées, d'autres descendues en rappel. Les opérations de secours interrompues à la nuit doivent reprendre dès que possible. 4 hélicoptères sont mobilisés. Un coup de filet antiterroriste hier soir dans l'Essonne. Les policiers ont interpellé 3 femmes radicalisées dans l'enquête sur la voiture découverte dimanche dans Paris avec des bonbonnes de gaz. Des femmes de 19, 23 et 39 ans qui, selon le ministre de l'Intérieur, allaient commettre des actions violentes et imminentes. Le réseau activé de l'étranger préparait un attentat ce jeudi. Et hier, justement, dans son discours de pré-campagne, François Hollande évoquait des tentatives d'attentat déjouées ces derniers jours sur le sol français. À propos de campagne présidentielle, le gouvernement doit annoncer aujourd'hui les modalités de la baisse d'impôts promise pour 2017. Il devrait s'agir d'une baisse forfaitaire, une remise sur les revenus ciblée sur les classes moyennes. À droite, on s'active. Les candidats à l'investiture pour 2017 déposent aujourd'hui leur dossier de parrainage pour la primaire. Il devrait être 7 ou 8 sur la ligne de départ. Sarkozy, Le Maire, Juppé ou encore Nkem. La liste définitive des candidats sera dévoilée le 21 septembre. Une fois que tout sera vérifié et recompté, scrutin les 20 et 27 novembre. À l'étranger, une très grosse secousse cette nuit vers 2h30 en Corée du Nord. Une explosion dans le nord-est du pays avec un séisme de magnitude 5,3 détecté par l'Institut américain de géologie. C'était, semble-t-il, Kim Jong-un qui faisait joujou avec ses fioles d'uranium. Plus sérieusement, la Corée du Nord pourrait avoir procédé à son 5e essai nucléaire. Et de puissance, il va en falloir à Gaël Monfils pour venir à bout de Novak Djokovic ce soir en demi-finale de l'US Open. Match à partir de 21h, heure française sur les courts new-yorkais. Gaël Monfils qui peut réaliser l'exploit. Lui qui n'a encore perdu aucun set à Flushing Meadows. Chez les filles, la finale se jouera demain entre la tchèque Karolina Pliskova, tombeuse de Serena Williams, et Angélique Kerber. L'allemande assurée de devenir lundi la nouvelle numéro 1 mondiale vient de se qualifier en sortant la danoise Caroline Wozniacki en 2 petits sets. Du foot aussi ce soir, le début de la 4e journée de Ligue 1. Le PSG va disputer son match donc contre Saint-Etienne, son 1000e match au Parc des Princes. Le coup d'envoi à 20h45. Et puis une première médaille d'or française aux Jeux Paralympiques de Rio. Celle de la judokate déficiente visuelle Sandrine Martinet. Elle a été intraitable avec sa concurrente allemande Ramona Brussig. Voilà pour l'actu. Tout de suite, c'est Virgin Tonic. Très bon réveil. Bonjour à tous, nous sommes le 10 septembre, je suis Tiffany de Custine, j'ai gagné 10 ans de loyer le 4 décembre 2015. Je déclare l'émission officiellement ouverte. Bonjour la France ! Bonjour ! Salut Tiffany, merci de nous rejoindre dans le Virgin Tonic, 6h-9h chaque matin, toute l'équipe qui est là, Laure, Clément, oui, la rencontre du standard, la Ginger sur les réseaux sociaux, il y a Nico du bureau aussi, puis toute l'équipe aussi derrière au standard partout, on attend vos appels au 3916 et vous le savez, tous les jours, l'un ou l'une d'entre vous démarre cette émission, donne le coup d'envoi du nouveau Virgin Tonic. Et ce matin, on a un peu triché. C'est nous qui avons rappelé Tiffany. C'est pour ça qu'elle était pas trop. Alors, je dois pas y aller. Je me lance. Et ma petite Tiffany, on l'aime beaucoup. On l'a eu au téléphone, peut-être que vous vous en rappelez. C'était à quelle période, ma petite Tiffany? Tiff, c'est à quelle période qu'on t'a eu au téléphone? Le 4 décembre. Le 4 décembre dernier. Et donc, tu as gagné 10 ans de loyer. C'est ça. On t'a fait un chèque de combien, Tiff? De 150 000 euros. Oh, 150 000 euros. Apparemment, vu le décalage sur le téléphone, t'en as profité pour partir vivre à l'étranger. Apparemment, tu n'es plus en France. Tu en as fait quoi de cet argent, ma petite Tiff? C'est ça, voilà. J'ai pris mes petites valises. Et ben, on a remboursé une partie du crédit et on est en train de préparer le mariage pour l'année prochaine. Oh, c'est beau, ma chérie. Ah, ben, je suis heureux. Voilà. Vous imaginez, 150 000 euros. Et là, c'est 10 ans. Et nous, le 16 décembre, on vous offre carrément 50 000 euros. 50 ans, 5 fois ça. Et voilà, ça t'a permis de, voilà, de faire des beaux projets, ma petite Tiff. C'est ça, tout à fait. Donc, on vous invite au mariage, donc vous êtes les bienvenus. Hein. C'est le 8 juillet 2017. Écoute, ma chérie, je te promets, on sera là. Tu sais quoi, je prends l'engagement, je serai là à ton mariage. On vous attend. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais c'est dans quel pays? Parce qu'il y a vraiment un grand décalage. T'habites toujours en France? C'est en France. C'est incroyable. Clément, est-ce que tu avais le mari avant ou est-ce que c'est les 150 000 euros qui t'ont permis de choper le garçon? Non, c'est toujours le même. Hein. Ah, d'accord. Okay. Petit, je comment dire? Fais l'amour. Aussi, oui. Oui, non. Mais tu es venu nous voir, non? Non, c'est... Oui, je suis venue avec son mari et sa petite fille. Ah, mais oui, mais tu fais bien sûr, on les a rencontrés. Elle avait peur qu'on lui envoie pas le chèque, elle est venue directement. L'après-midi même, elle était à la radio pour dire où sont les 150 euros. Mais t'es bien gentille à ta radio, tu me files les 150 tout de suite. Ah, je suis heureux, ma chérie. Alors rembourse un peu de crédit et tu vas te marier. Ah là là, c'est beau, hein. T'es heureuse? Oui, très, très, très, très, il n'y a pas mieux. Et franchement, je le souhaite à tous ceux qui écoutent le Virgin Tonic, parce que franchement, c'est merveilleux. Et franchement, ça apporte beaucoup de bonheur. Même si on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, ça y contribue quand même. Je dis souvent, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il permet de le chercher dans plein d'endroits. Et c'est déjà ça. Ma petite Tifa, je suis très heureux. Alors vous tous, vous l'avez compris, inscrivez-vous, loyer 7, 12, 13. Je vous le dis, nous, on ne veut pas que vous vous ruiniez en texto, voilà, mais simplement voilà, chaque fois que vous m'envoyez un SMS, si vous le faites d'habitude, sachez que vous êtes inscrit pour le tirage de 6h20. Ça marche aussi pour 7h20, pour 8h20, encore ce matin. Mais nous, ce qui est important, c'est que tous les SMS que vous avez l'habitude d'envoyer, eh ben, ils augmentent vos chances d'être tirés au sort et ils sont pas perdus. Voilà, aucun SMS est perdu. Ma petite Tiff, tu t'étais inscrit combien de fois pour gagner les 10 ans de loyer? J'avais envoyé une dizaine de messages. Dix textos. Alors faites attention, moi je vous dis, les SMS sont payants, vous ruinez pas non plus. Voilà, après il faut laisser aussi faire la chance. En tout cas, ce qui est important, c'est que un SMS, deux fois plus de chances de gagner l'incruste. Eh oui, nous on n'a pas le droit de jouer, toujours pas. Un loyer de combien, ma Tiffany? J'ai un loyer de 930 euros. 930 euros. Alors, je t'ai fait un chèque de 150 000 euros. Et bien là, pour les 50 ans de loyer, je sais pas si tu t'es réinscrite, mais je te ferai un chèque de 558 000 euros. Oh là là. Waouh. Ouais, ça fait rêver. Hein. Ah, voilà, c'est bien que je déménage ailleurs, hein. Je pars de la France. Hein. On fait des dragées pour le mariage. Ouais. Vous imaginez si Tiffany regagne les 50 ans? Ça paiera le divorce. Oh, le scandale. Non. Nico du bureau. C'est qu'il y a plein de gens qui me demandent en fait à quel moment il faut envoyer le SMS pour avoir plus de chance. Ouais. Et je sais pas quoi leur répondre parce qu'en fait c'est vrai que c'est un tirage au sort. Un tirage au sort. Mais quand même, je me suis aussi posé la question de me dire peut-être qu'il y a une chance un peu plus forte si on l'envoie, la veille. Il y aura vraiment. Le 16 septembre à 8h20, une machine avec un huissier de justice qui contrôle tout pour être sûr qu'il n'y ait vraiment pas de triche. Je précise à ma mère qui a beau insister. Voilà, c'est vraiment un tirage. On pourra tomber sur n'importe qui. Voilà, c'est arrivé qu'on offre des très gros loyers, des plus petits. C'est vraiment un tirage au sort, Clément. Après, j'ai lu un article l'autre jour sur Internet qui disait qu'on était plus chanceux le mardi. Rien à voir avec nous. Mais en général, dans la vie, on a plus de chance le mardi. Ah bon? Oui. On s'est pas rencontré un mardi, nous. Comme quoi, ça marche pas tout le temps. Alors, imaginons, on a dit que je te faisais un chèque aux alentours des 550 000 euros. Laure, je te fais un chèque maintenant de 550 000 euros. Salut. J'ai répondu à ta question. On imagine. Oh là là, c'est pas vrai ça. Juste, quel est le premier truc? Alors, je te demande pas comment tu dépenses tout, mais le premier truc que tu auras envie de t'acheter avec cet argent? Le premier truc, je fais un méga gros kiff à ma fille. Ce qu'elle veut. Je crois qu'elle veut un Mac ou. Enfin voilà, elle commence ordinateur. À avoir des ordinateurs un petit peu cher. C'est normal. Mmh. Un bel ordinateur pour ta fille. Ouais. Clément, sincèrement, le premier truc, je te fais un chèque de 560 000 euros, t'en fais quoi? Je pense que je prends une maison et pour craquer, je m'achète un bout de plage en Vendée. Mais je laisse les gens se baigner et du coup, j'arrive, je fais. Vous êtes chez moi, mais il n'y a pas de souci, restez. J'avais des sandwichs aux gens. Ah, j'adore ça. Burkini autorisé sur ta plage? On est obligé de se baigner nu, c'est une plage. Il résout tous les problèmes, Clément. Pauline au standard. Bah déjà, je te fais un bisou quand même, je te remercie, tu m'as fait un chèque. Et bah voilà, quand même. 400 euros quand même, le bisou de Calais. Et je m'achète un van. Et mon mec le conduit, on fait le tour du monde. Oh là là. Ouais. La tristesse. Ah, la tristesse. Pourquoi le tour du monde? Je te jure, je crois que je préfère aller sur la plage de Clément. Franchement, je te laisse faire le tour du monde, je vais sur la plage de Clément. Ah ouais, franchement. Ma petite Tiffany, je t'embrasse encore très fort. Merci d'avoir pris le temps de nous parler à nouveau. Bah, merci à vous, merci encore pour tout. Et puis, si je gagne les 50 ans, je pense que Fredo, il a plus qu'à m'embaucher, hein, ça lui coûtera moins cher. Fredo, c'est le patron de la radio, mais c'est vrai. Mais en plus, tu as été tellement touchante. Voilà, on a été très, très heureux de te faire ce chèque, ma petite Tiffany. Je t'embrasse encore. J'espère qu'on n'aura pas le décalage avec tout le monde ce matin. Ouais. Ça va être long sinon. Voilà, au moins que Tiffany soit vraiment partie vivre au Pérou pour blanchir son argent, je ne sais pas. On commence avec LP, je vous souhaite encore un excellent réveil. Vous qui ouvrez les yeux et puis vous tous qui avez bossé la nuit avec le Virgin Tonic. Merci d'être là avec nous en tout cas. Came from burning like embers, falling tender, longing for the days of no surrender years ago. And will you know? Understand the toil of expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke them if you got them, 'cause it's going down. C'est vendredi aujourd'hui. Courage à vous tous qui avez bossé toute la nuit. Courage à vous, couvrez les yeux. Je sais que le vendredi, on a un peu la fatigue de la semaine. C'est pour ça qu'on est là pour vous accompagner tous les matins avec la Lolotte. Salut toi. Avec le Clémouche. Bonjour. Avec la Paulette au standard. Ah, la Paulette, tiens, c'est jeune ça. Ah, ça, c'est jeune ça. Tiens, je viens de voir un chiffre sur le magazine Biba. Oui. Voilà, c'est tout. Merci. Oui. En moyenne, un couple utilise 5800 couches pour son bébé. Oh, wow, on a deux énorme. Parents dans l'équipe, Nico du bureau et Laure. 5800 couches pour son bébé, c'est énorme, non? Ah, ouais. Énorme. Ouais, c'est une moyenne, hein. Je pense que chez les filles, c'est moins que chez les garçons, parce que les filles sont propres plus tôt. Ma fille, elle était propre à 3 ans et demi. C'est vrai, moi, c'est à 6 mois. Sur les 5800, il y en a 4 qui sont changés par le papa et tout le reste par les mamans. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. 5800, ça porte les couches jusqu'à quel âge, un enfant, Laure? Bah, Nico dit, ma fille a arrêté très tôt, 3 ans et demi. Pardon, c'est hyper tard, 3 ans et demi. Moi, à 2 ans et demi, elle était propre. Oh. Attendez, attends. Jour et nuit, 3 ans et demi? Bah, bien sûr. La nuit aussi. Elle rentre à l'école à 3 ans, donc si à 3 ans et demi. Oui, sur un chouchou et loulou. Excusez-moi, un gars ici. On va arrêter 2 secondes l'épisode, on va continuer de faire un peu de radio. Sans déconner. Oui, Clément. Tu sais que je ne sais même pas changer une couche. J'ai galéré l'autre jour, c'est pas de la mauvaise foi. Avec ma petite nièce, j'ai pas réussi à le faire. Et je me dis, je suis pas prêt pour être papa. Moi, ouais. Je l'ai jamais fait de ma vie, mm-hmm. Sincèrement. Et je pense que j'aurais beaucoup de mal à le faire. Moi, ouais. En plus, ça, c'est des trucs qui montrent que je suis pas prêt à être papa. Ouais. Non, franchement, ça et choisir dans les fournitures scolaires, je serais impossible. Je suis allé une fois avec mon neveu, j'ai acheté tout ce qu'il fallait pas acheter. j'ai envie de lui faire plaisir. C'est le moment où il fait plaisir. Bah oui. Et du coup, c'est n'importe quoi. Bah on sort m'engueuler, Clément. Il y a un autre truc que j'arrive pas et je me dis, je suis pas prêt encore à être papa, ma soeur le fait super bien. C'est prendre mes neveux quand ils dorment dans la voiture et les déposer, tu sais, dans leur lit pour qu'ils dorment sans les réveiller. Ah. À chaque fois, ils se tapent la tête quelque part ou ils se réveillent. Je n'arrive pas à bien les prendre. Il y a un truc que je sais pas encore gérer qui fait que je pourrais pas être papa. Quoi? Les caprices. Ah, bah oui. À mon neveu qui pleure pour un Kinder surprise. Moi, j'achète l'usine Kinder et tout. Je lui dis, vas-y, c'est bon, régale-toi. J'ai trop honte. J'arrive pas encore à gérer le côté caprice comme un enfant qui pleure dans un avion. Ah, c'est horrible. Ouais. Ah, dans un avion, quelle angoisse. Ah, non, mais. C'est très dur, c'est très dur. Il faut retrouver en soi des ressources de calme insoupçonnées. Mais c'est très difficile. Ouais, et puis je sais pas, c'est les gens qui regardent et qui jugent en mode, vous pourriez le faire arrêter. Mais c'est un régal de le voir pleurer. Ils comprennent pas, vous êtes pour rien, quoi, les parents. C'est ça qui est dur, Clément. Il y a vraiment un truc pour lequel je suis pas prêt. Papa, c'est que je suis célib en fait. C'est pas pour rester avec nous sur Virgin Radio. On est un petit peu à la bourre, c'est votre loyer qu'on va vous offrir dans quelques secondes. Loyer au 7-12-13 par SMS. On est très content encore de passer cette semaine avec vous les copains. C'est vendredi, bon courage. Hi, this is Serge Peretta on Virgin Tonic. About what we could have been, where love could have taken us. Blame it on the wind and cry, cry, cry. You know why. I'm drowning in an ocean of salt water. Yeah. I couldn't make it any more harder. I still do. I get so emotional. Come, we make a truce. 'Cause I cry, cry. You know why. I'm drowning in an ocean of salt water. Si vous nous rejoignez tout juste, c'est le Virgin Tonic avec toute l'équipe qui est là. Oui. Loyer à gagner, loyer au 7-12-13 par SMS. Inscrivez-vous maintenant. En plus, chaque SMS vous enregistre aussi pour le tirage au sort du 16 septembre 8h20. C'est 50 ans de loyer qu'on vous offrira. Bon réveil à tous. Le son de 21 Pilots qui arrive dans un instant. De 6h à 9h, Camille Combal est dans Virgin Tonic. Vous le savez peut-être pas, mais avec EDF, vous pouvez anticiper les démarches liées à votre déménagement. Vous pouvez par exemple souscrire votre contrat d'électricité à tout moment jusqu'à 2 mois à l'avance sur le site edf.fr. Et maintenant, c'est même possible sur votre mobile. Simplifier votre déménagement, ça fait aussi partie des engagements EDF et moi. Plus d'informations sur nos services sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Ah ben ça alors, je ressens plus rien. Et là? Rien non plus. Et si vous passez la main là?

Virgin Radio. Il n'y avait plus besoin de le dire. C'est Frédéric, c'est ça? C'est ça. Frédéric, tu t'es inscrit par SMS, tu m'as laissé ton prénom, t'as bien fait, puis surtout ton numéro de téléphone. T'habites où, Frédéric? À Grenay, dans le Pas-de-Calais. Pas-de-Calais, t'as un loyer de combien là-bas? 515. Eh bien, sache que je te fais un chèque. Déjà, ça c'est fait, 515 euros, t'es le premier gagnant de la matinée, ton loyer, il est payé. Nous, on vous fait les chèques, vous dépensez l'argent comme vous voulez. Et en plus, Fred, tu le sais, c'est pas pour rien que tu t'es inscrit autant de fois. Si tu m'as envoyé un SMS, eh oui, c'est pour gagner ton loyer, ça c'est fait. Et en plus, t'es inscrit comme tous ceux qui nous écoutent et qui m'ont envoyé un SMS pour le grand tirage au sort du 16 septembre. 50 ans de loyer. Frédéric, il dit magnifique. Frédéric, c'est pas encore gagné, il faut que je te rappelle le 16. Hein. Oui, bien sûr, déjà un mois de loyer, c'est déjà pas mal. Ah ben oui, je suis très heureux. Et sache que, vu ton loyer, si je te prends au téléphone le 16 septembre à 8h20, pour toi, c'est un chèque de 309 000 euros. Waouh. Ça serait magnifique, franchement. Ça serait génial. Mais franchement, ça me fera très plaisir si je te reprends au téléphone. Mon Fred et tous les gens du Pas-de-Calais qui nous écoutent nombreux le matin envoient tous les messages qui arrivent. Facebook, Twitter, Snapchat, n'hésitez pas à réagir. Et vous êtes déjà nombreux réveillés, on vous embrasse très fort. Bisous mon Fred. Bisous, salut. Salut Fredou. Tu fais quoi dans la vie, Fred? Je suis chef de quai. Chef dans de quai? Oui, dans le transport. C'est-à-dire sur une gare? Dans le transport, dans les livraisons. Je gère une équipe de 10 personnes sur le quai le matin. Ah ouais, quand les camions ils rentrent comme ça à la benne et après on les charge? Voilà, c'est ça, ouais. Ok, mon pote, j'ai compris, oui, Clem. C'est toi qui dis, oh les gars, il est temps d'y aller. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Allez, comment? Là, est-ce que tu le fais aussi? On va bosser un petit peu. Voilà. Oui, ça commence tôt. Merci à toi, mon Fred. Restez avec nous sur Virgin. Il y a plein de choses qui arrivent dans l'émission. On a encore plein de surprises. Et puis, on vous régale ce matin. Des cadeaux magnifiques à vous offrir. Virgin Tonic. Et le son pop rock électro de 21 Pilots. Ride. Bon réveil sur Virgin. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, I'm born, so I'm taking my time on my ride. Oh, I'm born, so I'm taking my time on my ride. Taking my time on my ride. I die for you, that's easy to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man. But literally, I don't know what I do. For you, and that's hard to do, even harder to say when you know it's not true, even harder to write when you know that tonight there were people back home which are talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Taking my time on my ride. I've been thinking too much. Help me. I've been thinking too much. I've been thinking too much. I've been thinking too much. vous tous, c'est vendredi aujourd'hui, courage. Eh oui, courage à vous qui êtes encore à la maison, peut-être tout juste au petit-déj. Courage à vous qui êtes aussi déjà en voiture, nombreux, je le sais. Merci en tout cas de démarrer vos journées avec nous. Attention, dans le Virgin Tonic, à 6h30, comme tous les matins, un point sur l'actu avec tous nos journalistes. Et puis, juste après, 6h35, le réponse à tout de Clément Lincruse qui arrive. Clément, c'est le seul qui a bossé. Pauline n'a rien fait. Laure n'a rien fait. C'est décroché. Mais elles sont là, elles arrivent, belles comme le jour le matin. Et ça suffit à mon bonheur. Ça me suffit. Je vais te voir une info incroyable sur le site de Slate. Ouais. C'est ce site, j'adore y aller. Ouais. Allez voir, il y a plein d'infos marrantes. Mmh. Selon eux, quand vous vous apprêtez à quitter une soirée, partez sans le dire à personne, c'est en fait un signe de bonne conduite. Ah bon? Ah bon? De bonne manière. Ah oui. Je l'ai fait il y a 15 jours. Ouais. Et ben, ça s'est très bien passé et j'étais un peu gêné le lendemain. J'étais à l'anniversaire de la sœur de ma chérie et je me suis dit, tiens, pars sans rien dire. Je pars sans rien dire et ça s'est très bien passé, Pauline. Moi, en général, quand je le fais, c'est pas parce que je l'ai voulu, c'est parce que mon corps est parti tout seul. Je crois que je dis au revoir à tout le monde. Mais c'est quoi le signe quand vous faites une soirée ou quoi? Le signe pour mettre les gens dehors, parce que c'est vrai. Pour mettre les gens dehors ou pour partir? Pour partir. Ok. Le signe pour partir, c'est quoi toi alors? Moi, c'est bah, tu connais ma règle des 2h du mat, c'est si rien de bien ne s'est passé avant 2h du mat, rien de bien ne se passera après. Exactement. Voilà. Ça, c'est une grande règle de soirée de et j'ai une raison. Alors, moi, je suis un tout petit peu plus jeune que Laure, donc c'est la règle des 3h du matin. Voilà. Voilà. Ça marche aussi. Mais je vais vite arriver aux 2h. Ne t'inquiète pas. Plus que 4 ans. Ouais, ouais, moi, c'est vraiment c'est 3h du matin, mais je donne raison. Alors, je suis sûr vous aussi qui nous écoutez. Rien de bien se passera par la suite. Oui, Pauline. Moi, je suis un tout petit peu plus jeune que toi, du coup, je suis sur la règle des 4 heures. Ah ouais, mais ça fait ça. Et Clément, la règle des 4 ans? 2h du matin, c'est l'heure où j'arrive à peu près. Donc, voilà. Mais en revanche, j'ai un truc inverse, c'est que c'est pas je pars sans dire au revoir, c'est que j'arrive sans dire bonjour. Tout le monde est déjà dans la soirée. Et moi, j'ai un petit truc à moi. Je sais qu'il faut partir quand je drague deux fois la même fille sans m'en rendre compte. J'arrive et je dis, on s'est vu tout à l'heure, nous. C'est génial, ça dit nouveau aussi. Tiens, au standard, je vais vous demander. Le signe qui montre que quand t'es dans une soirée, bah il est temps de partir. Il se passera plus grand chose de bien. Moi j'ai un truc, hein. Vas-y. Quoi? Bah c'est simple. Dès que t'entends ça. Quand il commence à y avoir il y a plus que moins qu'adore. Hein. Vous voyez des trucs comme ça? Ouais. C'est le genre de truc qui peut te dire là il faut commencer à partir. Hein. Oui, Laure. Ou le lac du Connemara aussi, ça marche aussi. Il faut y aller quand. Lac du Connemara, c'est une vraie chanson de fin de soirée en boîte. Ouais. Tu peux pas l'entendre à 2h du matin. Non, moi j'entends jamais. Pauline, c'est quoi le signe qui montre que tu dois partir d'une soirée? J'adore ce jeu. Hein. Je vais vous demander au standard. C'est quand je commence à vouloir offrir tout ce que j'ai dans mon sac, même mon portable. Ah pardon, tout ce que j'ai en moi. Je commence à vouloir m'offrir à tout le monde. Non. Venez, c'est cadeau. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Comment ça, tout ce que t'as dans ton sac, tu veux l'offrir? Ah ben j'offre, à un moment donné, j'ai envie de donner. Donc j'ouvre mon sac et je commence à faire mais ce petit truc, machin. Et la dernière fois, j'en étais quasiment au portable. J'avais une copine qui a un portable cassé, je lui dis, écoute, prends le bien, c'est génial. Bah oui, puis en plus, c'est pas comme si t'avais besoin d'un téléphone pour ton boulot, quoi. C'est ça, bien sûr, oui, Clément. Après, le vrai signal, c'est quand t'es 15 en soirée et qu'il y a quelqu'un qui dit, vous pouvez ramener l'addition, et là, t'essaies de t'éclipser discrètement. Si t'es pas là, c'est ceux qui sont là qui payent. Ça, c'est l'or. Voilà. Parce que l'or a aussi la règle des 20 euros. C'est dès qu'il faut sortir plus de 20 euros, elle part de la soirée. Restez avec nous. Et vous êtes nombreux là au standard, je vais vous demander vous aussi. Quel est votre signe quand il y a un truc qui se passe dans la soirée, vous dites ok, c'est bon, ça y est, cette soirée n'est plus pour moi, il est temps de rentrer. On en parle dans un instant. On demandera l'avis aussi à Manzel Mirlov. Restez avec nous, c'est pour le pop rock électro. Un petit point sur l'actu, le Virgin Tonic qui continue. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, encore de timides averses aujourd'hui sur les Pyrénées, mais sinon ce sera encore une journée bien ensoleillée sur le reste du pays. 26 degrés cet après-midi à Paris et à Bordeaux. Vous aurez 29 à Lyon, 33 à Montpellier. Un petit peu de pluie demain sur le nord-ouest, du soleil partout pour dimanche. La nuit a été fraîche et vertigineuse pour 33 touristes dans les Alpes. Ils viennent de passer la nuit à plusieurs centaines de mètres d'altitude, bloqués dans un téléphérique en panne au-dessus du Mont Blanc. Des naufragés du vide qui seront secourus dans les prochaines heures. 77 autres touristes ont déjà pu être élitreillés ou redescendus en rappel. La menace d'attentat reste très vive. Trois femmes de 19 à 39 ans ont été arrêtées hier dans l'Essonne. Elles étaient dans l'œil des enquêteurs depuis la découverte dimanche à Paris d'une voiture remplie de bonbonnes de gaz. Trois femmes radicalisées, fanatisées. déguisé qui s'apprêtait à frapper. Un policier a d'ailleurs reçu un coup de couteau durant l'opération, mais ses jours ne sont pas en danger. L'une des femmes a été blessée aux jambes par un tir de riposte de la DGSI. Et c'est dans ce contexte que l'on a appris qu'un ancien membre du groupe islamique armé, le GIA algérien, assigné à résidence en Mayenne, a disparu. Il ne s'est pas présenté à la gendarmerie pour l'un de ses pointages quotidiens. Condamné à mort par contumace dans son pays, l'individu était déplacé de département en département depuis 2011. Algérien de 43 ans, marié et père de 4 enfants, il a été condamné à 10 ans de réclusion en France dans le cadre de l'affaire des filières tchétchènes, soupçonné de projeter des attentats à Paris. Le PDG d'Alstom convoqué hier à Bercy, le ministre de l'économie lui a demandé d'engager une phase de négociation avant toute décision définitive sur la fermeture du site de Belfort. Près de 500 emplois sont en jeu. Sur place, les élus demandent un soutien de l'État via la mise en œuvre de commandes en suspens, histoire d'attendre la construction du TGV du futur, pas avant 2020. En sport, le tennis, demi-finale messieurs, l'US Open. Gaël Monfils opposé à Novak Djokovic ce soir à 21h, suivi de Stan Wawrinka face à Kei Nishikori. La Monf qui peut tenter un truc face à l'ogre serbe. Le français est en pleine forme et n'a encore perdu aucun set à New York. Côté fille, qualification d'Angélique Kerber pour la finale. L'Allemande a sorti Caroline Wozniacki en 2-7. Elle sera lundi, quoi qu'il arrive, demain en finale contre Carolina Pliskova, la nouvelle numéro 1 mondiale. Et puis en foot, le coup d'envoi ce soir de la 4e journée de Ligue 1. Paris disputera son 1000e match au Parc des Princes en recevant Saint-Etienne à 20h45. La suite, ce sera demain et dimanche. Voilà pour l'essentiel de l'actu. Tout de suite, c'est Virgin Tonic avec Camille Combal et toute son équipe. Très bon réveil sur Virgin Radio. Merci de nous rejoindre, peut-être à l'instant sur Virgin Radio, vendredi 9 septembre. Aujourd'hui, je vous souhaite beaucoup de courage. Je sais que c'est un peu plus dur. Voilà, la rentrée, c'était pour bon nombre d'entre vous cette semaine. C'est la fin de semaine de la première. Eh bien, rassurez-vous, nous, on va vous donner du courage. Peut-être que vous êtes déjà en voiture. Je sais que vous êtes encore nombreux sous la douche, au petit-déj. On vous accompagne en tout cas tous les matins avec Laure, avec Clément. Salut. Bonjour. Avec la Pauline du Standard. Avec cette info de dingue qu'on a trouvée. Hein. Ah, vas-y. Selon un site internet, Slate, oui. Il est bon. C'est un signe de bonne conduite de partir d'une soirée sans dire au revoir à personne. Oui. Et je vous, mais c'est quand même le hasard, je vous jure que je l'ai fait il y a 15 jours. Mm. Je suis parti, bon, j'ai quand même dit à ma chérie, bon, j'y vais. Et j'ai dit, pour pas dire au revoir à tout le monde. Elle, elle est restée, c'est l'anniversaire ouais, de sa sœur, donc elle est restée. Et moi, je suis parti. Et voilà, et ben, ça s'est très bien passé. Il précise quand même, c'est important, hein, dans l'info, faut qu'il y ait plus de 15 personnes à la soirée. Oui, oui, parce que bon, s'il y a 3 voilà. personnes et que tu t'en vas sans dire au revoir, on part dans la politesse, Clément. T'étais quand même à 16 km et c'est toi qui avais la voiture, elle a été très courageuse et on l'embrasse. Les amis, je veux vous demander aussi, on a joué le jeu, on s'amusait avec ça. Vous aussi, au 3916, quel est le signe qu'il faut partir de la soirée? Il y a un signe, allons là tous, on a tous un signe distinctif qui dit ah ça y est, il faut, faut partir. Quand il n'y a plus de verre, on commence à sortir les verres en plastique. Ah bah oui, pour moi, c'est signe que non, ça y est, la soirée est terminée. Je vais demander à William, je vais demander, tiens, on a qu'à demander à Louise aussi. Salut tous les deux. Salut toute l'équipe. Salut poto, ma petite Louise. Alors, est-ce que, imaginons, on est en soirée, il se présente Clément, il y a Laure, il y a Pauline, on est une vingtaine de personnes. Qu'est-ce qui peut se passer dans la soirée qui te fasse dire il est temps de me barrer? C'est quand les mecs commencent à allumer la PS4 pour jouer à FIFA. Ça, ça veut dire que je me barre, c'est sûr. Je pars avec toi, moi, hein, perso. Ouais, arrête, toutes les soirées, c'est toi qui veux faire ton jeu du villageois, là, ou je sais pas quoi. Bah, c'est un jeu qui réunit les gens et qui me souffle, c'est pas FIFA. On met la musique et tout, on discute, et là, on fait, oh, on fait un jeu, on fait le jeu des mimes ou le jeu du villageois. Il y a toujours un jeu à faire. Alors, je crois qu'on est en centre aéré. N'empêche qu'on faisait une bonne équipe, toi et moi. C'est une énorme technique quand tu veux rester entre garçons et sortir. Enfin, il y a les filles de dire, oh, on joue à FIFA, toutes les filles parlent, et en fait, on ressort en boîte. Mmh. Oh, très bonne technique. On vient d'inventer un truc. Pas mal. Ouais. Pas mal. Je croyais que tu voulais passer que la soirée entre garçons. Louise, merci ma chérie, reste avec nous. Et William, c'est quoi toi le signe qui montre que tu dois partir d'une soirée? Ah bah moi c'est simple, c'est quand tout le monde commence à se battre pour brancher le câble jack, pour brancher la, pour mettre la musique de son iPod. C'est tellement relou, mais c'est tellement relou. Mais t'as raison William, parce que il y a le truc de, en fait vous savez, on veut tous brancher notre, notre iPhone, mettre la musique. mais on met jamais la vraie musique qu'on écoute. On fait toujours absolument que t'écoutes. Ça, ouais. C'est un groupe californien, c'est un peu neutre. Il y a en fait l'ancien bassiste des Red Hot qui a monté son groupe. À lui. Et même toi, tu l'aimes pas la chanson. Mais elle fait genre, elle est genre branchée, donc ouais. Tu fais, ouais, c'est vachement bien. Pauline. Et la grosse honte, c'est qu'en général, t'as de la pub. Parce que moi, je le mets toujours sur mon iPhone et j'ai la pub avant. Ah oui, il y a la petite pub. Ouais, alors faut laisser passer la pub, c'est TLM, mais tu vas voir après le morceau. C'est top. Nico, tu viens. Il y a les mecs qui font avec les câbles et puis il y a les mecs qui le font en snake, c'est-à-dire qui te demande le Bluetooth. Ah ouais, non, mais c'est un chanson. C'est quoi le Bluetooth ici, là, machin? Et il se branche et il y a une chanson, tu dis, mais c'est pas mon iPod ce truc là. Et puis en fait, c'est le gars qui est en mais train de. Pourquoi on veut tous prendre le pouvoir de la musique en soirée? Bah pour partager. Oh, c'est super, hein, bah. C'est toujours pareil. Mais c'est sympa, oui, Pauline. C'est pas du tout pour ça, c'est parce qu'on est sous et qu'on est hyper égoïste. Ouais, on veut tous mettre notre musique, c'est lourd, ouais, hein, Clément. Il y a une très bonne blague à faire que j'adore quand j'ai un pote qui branche son iPhone, c'est de l'appeler à ce moment là. Il lance le truc, et là, il y a sa sonnerie partout. Et tu dis pas, t'appelles en masqué évidemment, et ça le rend fou. Restez avec nous dans un instant, Laure va faire un villageois. Mais avant tout ça, bien sûr, c'est la réponse à tout. Réponse à tout. Parce qu'on a réponse à tout. William, Louise, vous connaissez la réponse à tout? Oui. Eh ben, c'est quand Clément descend dans la rue poser des questions aux enfants. Ce matin, tu leur as demandé quoi, Clem? Eh ben, on a parlé de l'élection présidentielle, je veux me présenter et j'ai demandé aux électeurs de demain ce qu'ils en pensaient. Cette année, enfin l'année prochaine du coup, il y a les élections présidentielles. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est pour choisir le président de la République. Alors, à ton avis, qu'est-ce que je dois faire si je veux devenir président de la République? Il faut qu'on vote pour toi, sauf que ça va pas marcher. Et pourquoi ça va pas marcher? Parce que t'es trop vieux. Est-ce que vous allez voter pour moi si je me présente aux élections présidentielles? Non, je crois pas. Hein. Non, dans tes rêves. Alors maintenant, attendez, je vous donne mon programme. Si je suis président de la République, je donne plus de leçons et il y a des bonbons pour tout le monde. Et je donne de l'argent à tout le monde. Ben moi, je voterai pour toi. Et toi? Oui. Toi quoi? Je ne voterai pas pour toi. Pourquoi? Parce que si tu donnes trop d'argent, on sera pourri gâté. Si tu donnes trop de bonbons, on sera gros. Et si tu ne nous donnes pas de leçons, et ben on sera débile. Ah bah vive la France. Vous êtes géniaux les enfants, un grand merci. Mans, Zelmer Love, voilà ce qu'on écoute tout de suite pour le pop rock électro. Merci de nous avoir choisis, on est là le vendredi aussi bien sûr, hein, à vos côtés, 6h-9h. Je te mens, je ne fais que ça, et dans mes yeux tu le lis. Je te mens, mais je sais déjà que je suis bientôt pris. Je ne trouve jamais rien de mieux à croire que j'aime ta jalousie. Je sais qu'on perd toujours à ce jeu, qu'un jour tu seras parti. J'ai ça dans la peau jusqu'à la fois de trop. I should have gone home. Chaque fois je détruis ce que j'ai de plus beau. Car du mal je m'en fais aussi. J'ai ma vie qui prend l'eau. I'm addicted to this game. Wish I could just let it be. Shouldn't left but I did it again. And now it all fires back in me. Je fuis ton regard de peur qu'il soit trop tard. Should've gone home. tous et bienvenue sur Virgin Radio. Merci d'être avec nous, vraiment. Peut-être que vous êtes en voiture, d'autres sont encore à la maison. Si vous êtes à la maison, connectez-vous vite sur nos réseaux sociaux du Virgin Tonic. Parce qu'alors là, on est dans un jeu, il y a du déguisement. Et comment vous dire comment vous dire quoi? Il y a du masque en fait. Du masque. Je pense qu'on va parler de The Mask qui était diffusé hier soir sur C8. Et du coup, Nico Bou, le musicien de l'équipe, qui nous prépare un jeu musical tous les jours. Alors aujourd'hui, il est carrément déguisé en The Mask. Ça va, Nico? Splendide. C'est le seul truc que je connais. C'est très angoissant. Ah ouais. Oh là là. Ah mais le masque il est... Non. Ah ouais, ouais. Oui. Oh là là, très angoissant en tous les cas. Ça va peut-être vous permettre, le jeu du masque, de repartir avec vos places. Vous ferez payer pour venir à Paris, hôtel, transport et assister à la soirée événement électro. C'est l'électrochoc le 6 octobre prochain au Zénith de Paris. Splendid. Oh, qui se cache derrière le masque? Qui se cache derrière le masque? Eh oui, parce que alors c'est Nico Bou, maintenant c'est un peu grillé, mais évidemment. Eh oui, mais il va, attention, il va décrire des personnalités sur le morceau très connu du film, le morceau cubain. Tchik tchik boum, tchik tchik boum, tchik tchik boum. Et Barbara qui est avec nous au 3916 va devoir deviner grâce aux indices qui se cache derrière le masque. Ça va, Barbara? Oui, bonjour Camille, salut toute l'équipe. Bonjour. Salut ma belle, tu viens d'où? Je suis du 91, Corbeil-Essonne. 91, Corbeil-Essonne, région Parigo. C'est ça. Exactement. Attention, Barbara, peut-être que tu as vu le film, peut-être pas, il était hier soir sur C8, et le masque est avec nous ce matin. Attention, on y va, premier extrait, devine quelle personnalité se cache derrière le masque. C'est parti. Il y a la danse aussi. Dans la vie, je suis médecin, les plateaux télé, je connais bien. J'ai l'humour qui fait tchik tchiki boum, tchik tchiki boum, tchik tchiki boum. Mais j'ai aussi mes émissions, comme le magazine de la santé. Adriana Carambeu, elle me fait tchik tchiki boum, tchik tchiki boum. Voilà. Olé, olé, olé, olé. Et il y a la danse, ouais. Oh là là là là. On peut pas chanter ça sans danser, je crois. C'est clair. Oh, t'es obligé d'avoir des liens. Barbara, est-ce que tu as reconnu? Animateur télé très connu, hein. J'ai envie de dire, bon, de toute façon, au pire, je me trompe, c'est pas grave, je vais dire Cyril Hanouna, mais. Cyril Hanouna, oui, oui, sur France 2, dans le magazine de la santé. Mais non, Adrienne. Je sais pas. C'est Michel Simès, ma chérie. Je regarde pas France 2, c'est horrible. Ah ouais, mais Michel Simès est élu animateur préféré des Français depuis deux ans. C'est drôle. Alors. C'est pas grave, ma chérie. C'est pas grave. Allez. Écoute, tu vas peut-être trouver, il faut que t'aies une bonne réponse, attention, on y va. Peut-être le prochain, c'est parti. C'est dans... Je commande les Jeux Olympiques, surtout le patinage artistique. Avec mon pote quand on est l'euro, on est tchik tchik et boum, tchik tchik et boum, tchik tchik et boum. C'est moi qui fais les interviews, hey. Anglais, espagnol, je parle tout. Mais mon accent il est tchik tchik et boum, tchik tchik et boum, tchik tchik et boum. Je suis désolé, je suis très angoissé par le masque. On chante en dessous mais le masque lui ne bouge pas. Quelle angoisse. Barbara ma chérie, facile hein. Cyril Hanouna. N'importe quoi. Non, j'arrive pas à retrouver son nom. Je suis trop stressé en fait. Mais alors, tu le connais, il est bouclé. Je suis contente d'être avec vous, je suis tellement contente d'être avec vous. Mais t'es un ange, mais les cheveux bouclés sur France 3. On prend là ou l'une d'entre vous, on l'envoie tout frais payé à Paris, à nos côtés, pour l'électrochoc le 6 octobre prochain. L'électrochoc avec tous les artistes électro que vous adorez, un Koum, Synapson, Feder, même The Avenger sera présent. Vous allez passer une soirée dingue, c'est sans billetterie, uniquement réservée aux auditeurs de Virgin Radio. Félicitations, Barbara. Merci beaucoup. J'ai trop fort, franchement. Je suis tombée par terre, c'est tellement, je suis en train de tremper là. Ça va, mais écoute, on est ravis, ma chérie. On se rencontre pour l'électrochoc donc le 6 octobre prochain. Et tout de suite, c'est Kavinsky, Road Game. Voilà ce qu'on écoute. Bienvenue dans le Virgin Tonic. Merci, The Mask. Salut. Salut à toi. We'll be right back.

dirait que t'as toujours été là. Les amis, soyez les bienvenus sur Virgin, c'est vendredi aujourd'hui, on est en septembre, le combien ? Le 9. Ouais. Merci ma petite Laure, Clément est là aussi. Bonjour. Il vous a préparé une question de ouf, ça arrive comme chaque matin à 7h05, restez dans le coin, ce sera juste après l'actu. La question, quelle est ta petite astuce de crevard ? C'est-à-dire, quel est le petit truc où t'es radin et tu le fais quand même ? Petite technique de fin de mois pour faire des économies, quoi. Oui, bien sûr. Laure en a 300. Hein, si. Allez sur le Facebook de Laure, parlez-lui, je peux vous dire, elle peut vous en donner 300. Hein, si vous n'avez pas de réponse. Et tiens, ce matin, pour le petit, je remercie Laure qui a ramené du jus de papaye. Parce que on blague un peu sur Laure qui est un rat d'égout, mais quand elle même. Elle fait quand même des petits cadeaux, quoi. Hein. Jus de papaye ce matin, quoi. C'est pointu, ouais. Hein. Eh hey, mais je vous jure, alors que je le bois, alors je crois que c'est la première fois que j'en bois, et j'ai l'impression, mais d'être, vous savez là, Thomas Cook, la Team Cook de M6, là, qui amène les aventuriers partout Thomas dans le monde. Thomas Cook voyage, j'ai l'impression d'être un nouvel explorateur, voir du jus de papaye, j'ai l'impression d'être avec Denis Brognard en pâte au gaz dans le sable. Un aventurier. Non mais les amis, je me sens aventurier. Sur l'île. Mais il m'en faut pas plus, mais moi. Mais c'est bien. Ah, je vous jure. Clément. Ça fait pas comme quand tu traverses, tu sais, un passage piéton, que c'est au rouge et que tu dis à tout moment ça peut passer au vert et tu termines, t'as l'impression que tu peux mourir et t'accélères doucement. Non, ça te fait pas ça ? Moi, je suis aventurier à ce moment-là. Ouais. Bah, voilà. Quand t'essaies d'ouvrir une pistache qui a pas du tout d'ouverture, tu sais, qui est complètement fermée. Ouais, j'ai l'impression d'être en Koh-Lanta comme quand ils ouvrent les noix de coco. Et... ça vous le fait pas ? Comment tu fais ? Eh ben écoute, l'esprit te débrouille maintenant. Comment je fais ? Je pense à ma survie, je la mange la pistache. Clément. Et quand t'arrives pas à l'ouvrir et que tu la reposes, t'as l'impression d'être tombé du poteau. Je vais te faire bon, continuez sans moi. Échec. Il y a plein de moments où vous vous sentez des aventuriers, je suis le seul, Laure. Non, moi aussi. Bah, quand Juju dort et que j'essaie de déverrouiller son iPhone avec son propre doigt. Oh là là. Non. Bah, il faut son doigt parce qu'il a des empreintes. Des empreintes digitales, tu sais, pour déverrouiller. Oh la jalouse, quoi. Mais j'y arrive, je me sens hyper forte quand j'y arrive. Tu es une aventurière, quoi. Ouais, exactement. Nico du bureau. Donc ça veut dire qu'elle a déjà essayé, mais moi je voudrais savoir si jamais elle le réveille, est-ce qu'elle a déjà préparé le truc à dire ? Parce que tu peux pas lui dire j'étais en train de regarder ton iPhone. Tu lui dis quoi ? Non, alors j'ai pas préparé le truc à dire, mais s'il se réveille, je lui saute dessus et puis on en parle. Si elle se réveille, je lui mets un coussin sur la tête. Non, toute mesure. Les amis, vous savez ce qui est en train de se passer ? Non. On va lancer un hashtag. Ah, ça j'aime bien. Excusez-moi, c'est pas compris. On va lancer un hashtag. Je lance officiellement, face à la France, face aux auditeurs du Virgin Tonic, le hashtag « Je me sens aventurier quand ?» Je veux savoir, vous tous, réagissez sur les réseaux sociaux. Je veux également, vous tous qui êtes au 39-16, je vais me tourner vers vous dans un instant. À quel moment est-ce que vous vous sentez aventurier ? Il y a Koh-Lanta qui est de retour ce soir, je suis comme un homme. Ouais. Pauline, à quel moment est-ce que tu te sens aventurière ? Je me sens aventurière quand j'ai un plomb qui saute chez moi et que je dois, donc je suis dans le noir, y aller avec ma lampe torche de mon portable pour le remettre. Moi j'ai peur à ce moment-là. Moi j'ai hyper peur. Ah ouais, je me sens catin surtout à ce moment-là. Plus qu'aventurier, mais il y a un côté aventurier. Ouais, mais oui, parce que tu tapes dans des choses, t'es obligé de connaître ton appartement. Enfin moi, il n'y a pas grand-chose à connaître, vu la taille. Voilà. C'est assez simple. Le plus dur, c'est qu'entre la chambre et le salon, ne pas taper dans la baignoire. Toi, voilà, t'es dans le couloir, bien sûr, évidemment. Laura, est-ce que toi aussi, à un moment donné, où tu te sens un truc tout bête, hein, mais tu te sens aventurière ? Salut ma belle. Salut Camille. Alors oui, c'est tout bête, hein, mais je me sens aventurière quand j'ai mis une petite robe blanche et qu'à midi à la cantine, je prends des pâtes bolognaises. Il faut faire attention. Hein. J'ai développé une technique et tout. Ouais, attention, je suis pareil. je mange sur le dos. Oui, Clément. Il devrait prévenir les entreprises. Tu sais, tu reçois un petit mail la veille. Attention demain, pâte à la bolo, habillez-vous bien. Ouais, pas de blanc, pâte à la bolo, les gars. Faites attention, oui, Laure. Non, moi, je me sens une aventurière quand je rentre dans la chambre de ma fille, en fait, tout simplement. Oh, mon Dieu. C'est l'île de Patouka. Non, non, non, c'est ma chambre. Autant pour moi. Qu'est-ce que fout cet alligator dans ta chambre? C'est quoi, Vincent, mon bichon, à quel moment tu te sens aventurier? Sois le bienvenu sur Virgin Radio. Merci, Camille. Bah, écoute, moi, je me sens aventurier, c'est quand j'avance jusqu'au prochain arrêt de bus, parce que le mien arrive dans 6 minutes. Oh, oui. Et que toutes les 10 secondes sur le trajet, je me retourne pour voir s'il arrive, tu vois. Ah, ah tellement. Ah non, mais c'est vrai. J'adore Laura. Ah, tellement. T'as tous les trucs, toi, Laura. Ah ouais, mais je suis une aventurière, moi. Ah ben, je sens ça, bien sûr. Oui, Clément. C'est comme quand t'as plus beaucoup d'essence sur l'autoroute, que tu laisses passer l'air et que tu dis, il y en a une dans 20 km. Ah, ça va le faire. Et qu'après, tu te dis, j'aurais dû m'arrêter. Mais ça, je me le fais, moi. Ah ouais. Ça, je me le fais, mais pour moi, pour me dire, ah vas-y, ça fait de l'enjeu, ça me réveille sur l'autoroute, quoi. Nico. D'ailleurs, on est d'accord que sur l'ordinateur de bord, c'est jamais les bons kilomètres qui sont affichés. C'est-à-dire qu'ils te disent, ouais, il vous reste 20 km avant que vous soyez en panne d'essence. Et en fait, il faut. Moi, ma voiture me dit pas combien de kilomètres il me reste. Ah, il y a juste un truc qui s'allume orange et basta, quoi. C'est un petit bouton. Pour faire quoi? Ça dépend des voitures. Excuse-moi, pas sur les Fiat Panda, mon pote. Non, je dis pas ça, moi. Ah ouais? Bah non, pas du tout. Tu l'as sur le clignot, normalement. T'appuies comme ça. Ah d'accord, faut sortir, regarder sur le clignot. C'est écrit 20 km. Merci. Bisous, mon Vincent, et bisous, ma petite Laura. Tu nous as fait beaucoup rire aussi, toi, ce matin. Restez là, on va écouter Kungs dans un instant, je vous le disais. Et puis le pop rock électro. C'est pas tout ce qui arrive. On a des cadeaux magnifiques, des 50 ans de loyer à vous offrir. Pour vous remercier pour votre fidélité. On fait un point sur l'actu, on arrive, le réponse à tout débarque aussi, bougez pas. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, une belle journée encore aujourd'hui sur l'ensemble du pays avec beaucoup de soleil et un mercure agréable, 27 degrés en moyenne cet après-midi. Le ciel restera bien dégagé tout le week-end à part quelques averses attendues demain des pays de la Loire à la Normandie. Et c'est un peu Michel Blanc sur son télésiège devant dans les bronzés fonds du ski. 33 touristes viennent de passer la nuit la plus vertigineuse de leur vie. Ils sont restés bloqués dans un téléphérique à plusieurs centaines de mètres au-dessus du Mont Blanc après un incident technique. 77 autres personnes qui étaient elles aussi coincées dans les cabines ont pu être évacuées, certaines élitreillées, d'autres descendues. En rappel, les opérations de secours vont reprendre dès que possible. Un coup de filet antiterroriste hier soir dans l'Essonne. Les policiers ont interpellé 3 femmes radicalisées dans l'enquête sur la voiture découverte dimanche dans Paris avec des bonbonnes de gaz. Des femmes de 19, 23, 39 ans qui, selon le ministre de l'Intérieur, allaient commettre des actions violentes et imminentes. Le réseau activé de l'étranger préparait un attentat ce jeudi. Et hier, justement, dans son discours de pré-campagne, François Hollande évoquait des tentatives d'attentats déjouées ces derniers jours sur le sol français. À propos de campagne présidentielle, le gouvernement doit annoncer aujourd'hui les modalités de la baisse d'impôts promise pour 2017. Il devrait s'agir d'une baisse forfaitaire, une remise sur les revenus ciblée sur les classes moyennes. À droite, on s'active. Les candidats à l'investiture pour 2017 déposent aujourd'hui leur dossier de parrainage pour la primaire. Ils devraient être 7 ou 8 sur la ligne de départ. Sarkozy, Le Maire, Juppé ou encore NKM. La liste définitive des candidats sera dévoilée le 21 septembre, une fois que tout sera vérifié. Scrutin les 20 et 27 novembre. À l'étranger, une très grosse secousse cette nuit vers 2h30 en Corée du Nord. Une explosion dans le nord-est du pays avec un séisme de magnitude 5,3. C'était, semble-t-il, Kim Jong-un qui faisait joujou avec ses fioles d'uranium. Plus sérieusement, la Corée du Nord dit avoir procédé à son 5e essai nucléaire, qui serait, selon Séoul, le plus puissant. Et de la puissance, il va en falloir à Gaël Monfils pour venir à bout de Novak Djokovic ce soir en demi-finale de l'US Open. Match à 21h, heure française. Gaël Monfils qui peut réaliser l'exploit, lui qui n'a encore perdu aucun set à Flushing Meadows. Du foot aussi, avec le début de la 4e journée de Ligue 1, le PSG va disputer ce soir contre Saint-Etienne son 1000e match au Parc des Princes. Et puis une première médaille d'or française aux Jeux Paralympiques, celle de la judokate Sandrine Martinet, qui a été intraitable avec sa concurrente allemande Ramona Brussink. Voilà pour l'actu, très bon réveil. Pour se réveiller sur Virgin Radio, c'est Camille Combal. Virgin Tonic, Virgin Tonic, Virgin Tonic. Salut à tous et bienvenue, si vous nous rejoignez, le Virgin Tonic qui continue, eh oui, jusqu'à 9h, on est là, à vos côtés, j'espère que tout va bien pour vous. Vendredi aujourd'hui, on le dit depuis le début de l'émission, Fin de semaine, un peu plus de fatigue, mais on est là, rassurez-vous, vous quatre, je le sais déjà, nombreux en voiture, d'autres commencent le boulot à 7h, soyez prudents, Laure est ici. Oui, bien sûr. Le maillot à poids. Ah, juste à l'arrière du peloton. Clément, il y a la popo du standard, bien sûr, 39-16 pour nous joindre. Et puis alors, loyer 7-12-13. Ça, je vous le dis tout de suite parce que c'est important. Loyer à 7h20. Je sais aussi que vous nous écoutez nombreux pour ça. Et puis, je sais aussi que voilà, vous espérez gagner ces 50 ans de loyer. Ce sera le vendredi 16. Un SMS, deux chances de gagner. Oui, donc 5 oui. SMS. Bah 10 fois plus. On est bon, on a fait. Ne me vois pas trop bon. Okay. Non, mais voilà, 5 SMS, c'est-à-dire 5 chances de gagner à 7h20, 5 chances de gagner le 16 septembre. C'est pas mal quand même. C'est magnifique. Alors, moi, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Kungs. Ah oui, bah oui. Aussi. Et ben voilà, et ben justement, on va l'écouter dans un instant. Ce sera pour le Pop Rock Electro. Aix-en-Provence. Ouais. Forcément un bon garçon celui-ci. Il a arrêté l'école à 17 ans pour être disquaire. Ah bah c'est malin. Est-ce que c'est sérieux? C'est malin en tout cas. Heureusement que ça a réussi. Je ne crois pas. Kungs qui arrive pour le Pop Rock Electro. Donc, et pour l'instant, à 7h04, comme chaque matin, c'est Clément Lincrus qui s'est occupé de la question de ouf. Question de ouf. Clément, et attendez, on a lancé un hashtag aussi. Hein. Bah oui, je me sens aventurier quand. Je me sens aventurier quand. On veut que vous réagissiez, hein, ça marche très fort. Vraiment, n'hésitez pas, laissez votre message n'importe lequel, Facebook, Twitter. On peut faire sur Snapchat? On peut, si on veut. Tout est possible. J'ai encore tout compris sur Snapchat. Hein. Snapchat, n'hésitez pas, laissez vos commentaires. Et comme ça, on en lit tout au long de l'émission, puis on vous rappelle au 39-16, Clément. La question de ouf, c'est un répondeur, on vous pose une question, vous laissez des messages. Et la question du jour, c'est: quelle est ta petite astuce de crevard? Bon, je crois que je devrais pas le dire, mais le petit truc de radine que je fais, c'est que ça m'arrive de piquer du papier toilette au travail. Ouais, ça crame. Alors moi, quand je vais à l'hôtel, je prends toujours les petits savons et les petits gels douche. L'hiver, au lieu d'allumer le chauffage, je mets plusieurs pulls. Ben moi, quand je suis chez des potes, j'utilise leur brosse à dents et leur dentifrice. Ça m'évite d'en acheter, quoi, c'est plus économique. Mon astuce pour pas payer Internet, c'est de squatter le Wi-Fi du voisin. Mais le problème, c'est que quand il est connecté en même temps, ça marche moins vite. J'ai honte de le dire, mais moi, en fait, je réutilise l'eau de mon bain pour faire la vaisselle. C'est pas en fait que je suis radin, mais je suis plutôt économe. Oui, bonjour, c'est Laure. Alors moi, ma petite technique, quand j'ai envie d'un truc et que j'ai pas envie de le payer plein pot, je le vole au bureau. Voilà. Question de ouf. Pourquoi on n'est pas surpris? C'est vous, les amis, restez avec nous vendredi 9 septembre. Quel rat dégoûte que l'on. Et on écoute Kungs. Je vous souhaite vraiment un très très beau réveil à vous tous. Let's go! Salut, c'est Kungs dans Virgin Tonic. Virgin. I'm gonna rock. I'm gonna rock you back. Take a glass of, gonna rock you back. Soyez les bienvenus, vous tous sur Virgin Radio, 7h09. Encore beaucoup de courage, c'est vendredi aujourd'hui. Peut-être que vous êtes en voiture, peut-être sous la douche, encore. En tout cas, nous, on est avec vous jusqu'à 9h. J'aperçois Clément. Bonjour. Salut. Pauline. Coucou. Je dois vous souhaiter du courage, ça y est. Alors là, je vois, hein, ça commence à sortir partout. Vous étiez au courant, mais on commence à en parler. Fin des vacances. Allez, dur. Oui. Vendredi, c'est dur. Fin des vacances, c'est dur. Les fournitures, la rentrée, et ça y est, les impôts. Oh là là. Et oui. Et ouais, faut commencer à penser aux impôts, les amis. Ah ouais. Je vois les articles passer. Moi, c'est un truc que je gère pas du tout. C'est ta mère. Bah, il faut le faire, sinon tu vas avoir des problèmes. Bah non, j'ai une maison au Luxembourg. Ah, voilà. Non, mais c'est, oui. C'est quoi, t'as tout compris, c'est mes parents. Bah oui, bah, c'est ma mère qui fait. C'est moi qui les paye, mais c'est ma mère. C'est ma mère qui s'occupe, les tiers, les trucs. Je comprends rien du tout, Clément. Moi, je suis fier, je l'ai fait tout seul. Mais en revanche, ouais, j'avoue, ma mère gère mes lessives. C'est-à-dire que quand je descends le week-end en Vendée, je descends avec un gros sac de linge sale. Oh, et je reviens le dimanche soir avec un gros sac de linge propre. Ouais. Eh, hey, le baluchon, quoi. Le baluchon, il y a des plus grandes machines là-bas, c'est pour ça. Ah, c'est pas ça. Moi, j'ai un truc aussi, c'est les papiers cadeaux. Ah, c'est quoi, c'est tes parents qui les font? Bah, c'est ma mère, je sais pas faire les papiers cadeaux, ou ma chérie, ouais, quand t'es là, mais sinon, je sais pas faire un papier cadeau. On s'est enroulé dans du journal. Tiens, regarde, prends l'équipe, t'entoures, tu mets un nœud, c'est bon, quoi. Pauline au standard. Du coup, si ta chérie est pas là, tu fais un aller-retour à Aix. Bah, c'est ça, le c'est pratique. Très pratique. Nico du bureau. Ma mère, elle est très forte, elle les fait sans scotch. Je trouve ça hyper fort, en fait. Ah. Ça, c'est très classe. Mm. C'est du papier cadeau, mais en fait, avec juste la petite ficelle, et du coup, il n'y a pas de scotch. Tu l'ouvres, tu le déballes, ça fait comme une espèce de fleur qui sort. Oh. Wow. Ça, c'est chic. Bah, elle bosse à la grande récré. Ça, mais du coup, quand t'offres un cadeau à tes parents, c'est-à-dire que tu offres ça et le paquet cadeau et ils le font, ils le réouvrent ou pas? C'est horrible. Tiens, maman, fais-toi un paquet cadeau. Ah, merci. Y'a pas un truc que vos parents gèrent pour vous, là? Si, j'ai un peu honte, mais ma mère, elle me prend mes rendez-vous chez le médecin, je suis incapable de le faire. Elle va à mes rencarts. Elle prend des rendez-vous pour moi. Non, mais je suis incapable de. D'abord, je suis trop hypochondriaque, donc j'ai hyper peur. Donc je prends jamais rendez-vous chez le médecin, donc elle le fait pour moi et même elle m'accompagne. C'est elle qui t'accompagne? Ouais, mais j'assume, franchement j'ai 40 ans, mais ça c'est un truc, je sais pas le faire toute seule. J'ai et le peur. Dentiste, c'est ton papa qui te soigne? Mmh. C'est mon papa qui m'accompagne. Oh, mais c'est vrai, mais les deux sont dentistes. Oui. Mais comment tu fais? Comment mais je chez fais, tu vas? Comment je fais? Bah je fais, j'alterne. C'est pour ça qu'elle a plus de dents. Je suis bien obligée. Ce qui est hyper drôle, c'est que quand il y en a un qui me fait une dent, l'autre n'aime pas. Ah. Non, ce qui est génial, c'est que tu te fais dévitaliser une dent et l'autre, du coup, tu dis bah, je suis obligé de t'en faire faire une quand même. Non, mais elle est en bonne santé. Bah, c'est quand même la moindre des choses, quoi. Oh là là là là là là, quelle histoire. Tiens, on a du monde au standard. Tiens, Aurélie, ma chérie, t'as quel âge? Sois la bienvenue. Coucou Camille, moi j'ai 24 ans. 24 ans. Alors, à 24 ans, on est autonome. Mais Aurélie, est-ce que comme nous, il y a encore des trucs que tes parents ils gèrent pour toi? Oui, quand on a un dîner, ma maman, elle adore s'occuper de ma coiffure. Elle me prend pour sa poupée. Donc voilà, moi, je me retrouve pas avec des nattes, hein, mais des jolies coiffures. Mais elle adore, voilà, faire comme quand on a 5 ans, quoi. Je comprends. Moi, c'est pareil avec mon père, mais c'est Franck Provost, mon père. Donc, c'est pour ça. Ah ouais, bah ouais, coiffé ouais, par la maman. Mais oui. C'est mignon comme tout ça. Moi, mon père, c'est les chez moi à l'appart. À l'appart. Ah, mais si j'appelle un plombier, mon père, il fait rigole. Après, la bricole. Ah ouais. C'est bien ça. Et on l'appelle pas Riquet, la bricole pour rien. Ça bricole, oui, Nico. Il y a un truc qui est fort aussi avec son père, c'est d'aller à Leroy Merlin ensemble, tu sais, de se dire, allez, vas-y, on va trouver une petite perceuse, un petit truc. Et du coup, voilà, tu crées un vrai truc avec ton père. Ou ouais. Tu... Mais le problème de mon père, c'est que mon père dans Leroy Merlin, c'est un peu comme l'or chez, je sais pas chez qui, d'ailleurs, chez H&M ou chez Zara. C'est qu'il veut. On dirait, oh, ouais, non, elle sera pas ma taille, cette personne. Vous l'auriez en rouge. Ah non, mon père, il pourrait tout acheter dans Leroy Merlin. Raphaël, mon bichon, est-ce que tes parents font un truc pour toi aussi? Salut, mon pote. Salut, salut, Camille. Bah écoute, ouais, moi aussi, j'ai. En fait, là, dernièrement, il fallait que je déménage. Et en fait, c'est mon père qui s'est occupé de tout, quoi. Il a trouvé l'appartement, il est allé au rendez-vous, il a signé le bail, il m'a juste donné les clés, donné l'adresse et voilà. Ah mais t'avais même pas choisi l'appart? Ah si, enfin j'avais donné mes critères. Ouais. Ah mais bah, franchement, voilà, si t'as confiance, c'est hyper pratique, Pauline. Moi mon père il s'est occupé de rénover toute ma première coloc qu'on a détruite en fait. Ah, il a tout refait. Il a tout les refait. Les parents, ça adore bricoler. Bah, puis il voulait récupérer la caution aussi. Tu sais que Pauline, elle a eu pareil avec son père. Hein. Elle lui a dit, mais tu veux me trouver un garage? Il lui a trouvé son appart. Exactement. Elle est arrivée, il lui a donné l'adresse et tout. Elle dit, bon, bah, c'est là. Bah, merci. Raphaël, Aurélie, je vous embrasse très très fort tous les deux. Restez avec nous, 7h14.

Virgin Radio. Virgin Radio. Justin au 88 000. Justin Timberlake, encore un hit. Envoyez Justin, J-U-S-T-I-N au 88 000. Accédez au catalogue et téléchargez Can't Stop the Feeling en sonnerie. Justin au 88 000. Le tube de l'été sur votre mobile. Abonnement 3 € par semaine DGP. Virgin Radio présente The Avener, un concert exceptionnel à l'Olympia le 24 septembre. Salut, c'est The Avener avec Virgin Radio. Après une victoire de la musique et une tournée triomphale du festival, retrouvez le phénomène de l'électro-française pour sa première date dans la plus mythique des salles parisiennes. Virgin Radio, la radio partenaire des plus beaux concerts. Est-il fidèle? Envoyez proche PROCHE au 72021 et découvrez s'il est sincère avec vous. Envoyez proche au 72021. 65 centimes plus prix d'un SMS Telco Pass. Bientôt dans votre playlist, déjà sur Virgin Radio. Le nouveau Felix Jean. Le nouveau The Chainsmokers. Broken Bash. Mike Perry. Virgin Radio. Pop. Rock. Electro. Tout de suite. Quelqu'un paye votre loyer sur Virgin Radio. Bienvenue à vous tous les amis, bienvenue si vous nous rejoignez tout juste. Et oui, le Virgin Tonic, c'est chaque matin 6h, 9h et chaque heure 6h20, 7h20, 8h20. Votre loyer à gagner. Cherchez pas, c'est le plus beau cadeau, toute radio confondue. Un loyer ou une mensualité de crédit. Oui. Peut-être que Clément, vous êtes propriétaire. Pas encore. Dans 50 ans. Eh bien, sachez que si vous êtes propriétaire, on vous rembourse un mois de crédit. Il suffit de vous inscrire. Alors, c'est loyer au 7-12-13. On n'a pas fait mensualité de crédit au 7-12-13. Ce serait interminable. Il faudrait quand même le déposer. Mais alors, loyer au 7-12-13, voilà, vous laissez votre numéro de téléphone. On vous rappelle chaque heure en direct. C'est parti. Et vous entendez cette musique. C'est la nouvelle star, la musique, non? Non, pas non, du tout. Merci. C'est une compo. Non, mais je rigole pas. C'est une compo. Allô? Allô? Ouais, salut, comment tu vas? Bien, et toi? Salut, excuse-nous, on est entre Zikos, là, on se faisait couper nos compos. Mais tu nous déranges pas du tout, là, excuse-nous. Attends, où est-ce que j'ai mis ma partoche, là? Samedi, il y a un bœuf, Camille. Il y a un bœuf? Il y a un bœuf à la partoche. C'est pas vrai, génial. Je fais un bœuf avec un pote de Bordeaux, c'est un bœuf bourguignon. Oh non. C'est pas un bœuf de Bordeaux, là. Je voulais dire Dijon. Est-ce que je pourrais parler à Joël, s'il vous plaît? Oui, c'est moi. Joël, comment vas-tu? Bah, ça va, je viens de me réveiller. Eh ben oui, mais tu as eu le temps de m'envoyer un SMS. Un SMS. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer? C'est Virgin Radio. Ah ben oui. Je n'ai pas raté le numéro. Jojo, t'habites où, ma belle? J'habite à Forbach. À Sorbach, région PACA. C'est en Lorraine, Sorbach. C'est en Lorraine, exactement. Et voilà. Tu as loyer combien en Lorraine, Joël? 1114 euros. Eh bien, 1114 euros, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Je te fais un chèque de 1114 euros tout de suite. Merci. Ça, c'est gagné pour toi. C'est comme ça toutes les heures. Je suis très heureux pour toi, ma Joël. Et en plus, tu l'as compris. Tu t'es inscrite, vous tous aussi, hein, je voudrais vous dire, vous tous qui n'avez pas eu la chance d'être tiré au sort, je suis vraiment désolé, mais rassurez-vous, tous vos SMS comme celui de Joël vous ont inscrit pour le tirage du 16 septembre. 50 ans de loyer. Joël. Oui. Si toi ou vous tous qui êtes en train de m'écouter, je vous prends au téléphone, le 16 septembre, en direct, à 8h20, je vous offrirai non pas un an, non pas deux ans, non pas 10 ans, non pas 20 ans, mais 50 ans de loyer. C'est le plus gros cadeau jamais offert sur une radio en France. Pour les meilleurs auditeurs de France, vous méritiez ça. Vous mériterez 200 ans, c'était moi. Et bien, je vais te dire, ma Joël, je te ferai un chèque de 668 400 euros. Oh mon Dieu. Là là. Si c'est ça, j'accouche sur le champ. Ah, t'es enceinte? Oui, je suis enceinte, oui, de 5 mois. Oh, ben félicitations, ma belle. Et puis peut-être rendez-vous le 16 septembre, alors, dans une semaine pile. J'espère bien. Je t'embrasse fort, Jojo. Bonne journée à vous. Bisous. Bisous. Bisous. Bisous, ma belle. Merci d'être avec nous le matin. 7h23. Prochain tirage, c'est à 8h20. Et Charlie Puth, We Don't Talk Anymore. Bienvenue dans le Virgin Tonic. Hey, this is Charlie Puth on Virgin Tonic. We don't talk anymore. Virgin Tonic. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. What's all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking, you've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. Cause even after all this time, I still wonder why I can't move on just the way you did so easily. Don't wanna know what kind of dress you're wearing tonight. He's holding on to you so tight, way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. But we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? I just hope you're lying next to somebody who knows how to love you like me. There must be a good reason that you're gone. Every now and then I think you might want me to come show up at your door. But I'm just too afraid that I'll be wrong. Don't wanna know if you're looking into her eyes, if she's holding on to you so tight the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my frame. Oh, it's such a shame. But we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Bon réveil, 7h26, vous êtes dans le Virgin Tonic, merci d'être là. Vendredi 9 septembre, eh oui les amis, vendredi 9 septembre, j'espère que tout va très très bien pour vous. Toute l'équipe est là, réunie bien sûr, comme chaque matin, courage à vous, prudence hein, si vous êtes en voiture, en train de partir au boulot, en train de déposer les enfants à l'école. Je voulais vous parler d'un truc, alors c'est une étude. Oui. Oui. Le week-end arrive, vous allez passer des bons moments, mais dans votre week-end, il y a aussi des mauvais moments. Oui. Par exemple, Laure, un des mauvais trucs. Bah moi, je dois me taper toutes les machines parce que. Je dois me taper tous les mecs de mon immeuble. Perdu un petit pari à la dernière fête des voisins. Hein. J'ai fini dernière à la course de sac de la dernière fête des voisins. Je dois me taper tout l'immeuble. Bonjour le week-end. Non, je dois faire des machines parce qu'en fait, on avait une machine en panne et ça y est, Darty est enfin venu. Donc j'ai du retard. Faut que je rattrape le retard et les courses. Moi, c'est pas. Voilà. Course. Les courses le week-end, laissez tomber. Il y a même les gens à la retraite, ils vont le week-end à la caisse. Oui, mais poto, tu fais comment? Nous, on y va le week-end. Hein. Moi, c'est horrible, c'est vraiment ma punition sur terre. Vraiment, je suis vraiment un pouce caddie quoi. Un porte-sac, c'est horrible. Ouais, c'est horrible. Ouais. Il y a des trucs hyper relous. Moi, j'y vais plus le week-end. Bah, il y a trop de monde. En fait, le week-end, il y a des mecs qui laissent des caddies. Tu sais, quand t'arrives vers la caisse, ils laissent leur caddie un peu en travers. Ils vont chercher d'autres objets et tout. Et t'es bloqué, il y a des bouchons. Il y a des vrais bouchons, il y a un infotrafic. On dirait presque qu'ils ont mis les warnings sur la caisse. En mode sur le caddie, c'est pas possible ça. Ah non, c'est. Moi, celui que je supporte pas à la caisse, c'est qui c'est? Non. C'est celui qui te met le truc client suivant là. Ouais, c'est mec, il vient le mettre genre mec, rentre pas dans mon territoire. On dirait que s'il y a un morceau de blanc de poulet qui va tomber chez lui, on dirait que tu rentres dans son territoire Willow. Non mais surtout genre tu vas lui voler ses courses qui ne sont pas encore payées, donc aucun intérêt finalement. Ouais. J'adore, ça c'est le truc de ma chère. Vraiment je comprends pas. Elle a toujours peur qu'on perde le caddie dans le supermarché. Je dis mais on l'a pas payé. C'est pas encore à nous, c'est déjà à nous, tu sais, en mode fais attention qu'on nous prenne pas des trucs. Ils vont nous prendre, qu'on nous mette des trucs. truc, à la limite. Et on va nous prendre, Clément. Et c'est le même mec qui décale pas forcément ses affaires quand t'arrives les bras chargés. C'est, t'arrives, il y a un peu de place. Et tu sais, il attend, il pousse pas genre son pack de lait. Ouais. Il te laisse en galère. J'aime pas, c'est relou. Ça, c'est dur. Ou alors, c'est un peu comme quand tu fais du stop. Il y a le mec qui fait du stop et la fille rentre vite, tu sais. Ouais. Et toi, t'es derrière, tu choisis ta caisse en te disant, oh là, la jeune fille, elle a deux trucs de lait, ouais, ça va aller vite. Et d'un coup, t'as son mec carré qui fait, ah, on avait oublié ça. 422 trucs. Tu dis vraiment, gars, mais j'aurais jamais pris cette queue-là. Tu peux rien dire à ça. Comment tu fais? Moi, j'ai un pire relou que ça à la caisse encore. C'est qui? Il y a toujours un relou, c'est pour ça d'ailleurs que j'y vais le week-end avec Juju, sinon je me fais draguer à la caisse par le chien. Oh là là, ça y est. C'est triste. Laure, vous comprenez pas les garçons, c'est tellement difficile d'être irrésistible. Ouais. C'est pas du tout ce que je voulais dire. C'est un vrai relou qui à chaque fois regarde mes courses et me dit, oh, on organise un goûter d'anniversaire. Ah, il commente les courses. C'est hyper gênant. Ah, il commente les courses, ça c'est dur. Oui, Clément. Tu sais qui c'est le vrai relou pour Laure? C'est celui qui fait 14,90€, s'il vous plaît. Le mec qui est assis et qui réclame de l'argent à chaque fois qu'il fait les courses. Et un truc que je comprends pas au supermarché, c'est qu'ils te mettent toutes les courses, t'es en retard et la caissière elle t'aide plus du tout, elle jette juste des regards du truc. C'est en retard. Genre, tu fais, bah aidez-moi, c'est pas possible ça. Moment de solitude, ouais. Bah, il faut se dépêcher. Dites-nous quel est votre relou. Supermarché, relou à la caisse. Ouais. Ok, vous nous dites, je vous prends au téléphone au 3916 dans quelques secondes à peine, le temps de faire un point sur l'actu. Avec tous nos journalistes, ils vont devoir tous démarrer leur flash, où qu'ils soient en France, en disant quel est leur relou à la caisse. Ok, où que vous soyez, il y a plus de 60 journalistes sur Virgin Radio. Là maintenant, vous démarrez et vous dites tous pour vous qui est le gros relou à la caisse. Bon réveil à vous tous sur Virgin Radio, merci de nous avoir choisis. Et Coldplay dans un instant carré. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Et pour moi, le gros relou à la caisse, c'est celui qui paye par chèque parce que vraiment, vraiment, ça prend trop de temps. Bref, côté météo, deux timides averses aujourd'hui sur les Pyrénées, mais sinon ce sera encore une belle journée ensoleillée sur le reste du pays. Un mercure à 27 degrés en moyenne pour cet après-midi. Les opérations de secours viennent de reprendre dans le Mont-Blanc. 33 personnes ont passé la nuit dans les cabines d'un téléphérique tombé en panne quelques heures plus tôt. 77 autres touristes avaient déjà pu regagner la terre ferme dès hier soir, électroyés ou descendus en rappel. La menace d'attentat reste très vive. Trois femmes de 19 à 39 ans ont été arrêtées hier dans l'Essonne. Elles étaient dans l'œil des enquêteurs depuis la découverte dimanche à Paris d'une voiture remplie de bonbonnes de gaz. Trois femmes radicalisées, fanatisées, qui s'apprêtaient à frapper. Un policier a reçu un coup de couteau durant l'opération, mais ses joues ne sont pas en danger. L'une des femme a été gravement blessée par un tir de riposte de la DGSI. Et c'est dans ce contexte que l'on a appris qu'un ancien membre du groupe islamique armé, le GIA algérien, assigné à résidence en Mayenne, a disparu. Il ne s'est pas présenté à la gendarmerie pour l'un de ses pointages quotidiens. Condamné à mort par contumace dans son pays, l'individu était déplacé de département en département depuis 2011. Algérien de 43 ans, marié, père de 4 enfants, il a été condamné à 10 ans de réclusion en France dans le cadre de l'affaire des filières tchétchènes, soupçonné de projeter des attentats à Paris. On ignore tout totalement ce matin où il se trouve. Le PDG d'Alstom convoqué d'urgence hier à Bercy. Le ministre de l'économie lui a demandé d'engager une phase de négociation avant toute décision définitive sur la fermeture du site de Belfort. Près de 500 emplois à la clé. Sur place, les élus demandent un soutien de l'État via la mise en œuvre de commandes en suspens, histoire d'attendre la fabrication du TGV du futur, pas avant 2020. À l'étranger, le début du Hajj à la Mecque en Arabie Saoudite. Le pèlerinage s'annonce très tendu après la bousculade qui avait fait plus de 2200 morts l'an dernier. Les autorités saoudiennes ont renforcé la vidéosurveillance, aménagé les horaires d'accès est prévu aussi de doter les pèlerins de bracelets électroniques. En sport, le tennis, demi-finale messieurs de l'US Open, Gaël Monfils opposé à Novak Djokovic à partir de 21h ce soir, et suivi de Stan Wawrinka face à Kei Nishikori, la mouffe qui peut tenter un truc face à l'ogre serbe. Ça fait longtemps que je t'ai pas venu t'embêter, mais il n'y a pas qu'à la caisse où il y a des relous. Non. Est-ce qu'on parle de football un peu ici? Est-ce qu'on peut parler football? Écoute, oui, le coup d'envoi ce soir de la 4e journée de Ligue 1 et Paris qui disputera son 1000e match au Parc des Princes ce soir, et ils reçoivent les Verts de Saint-Etienne à partir d'un 45. Et on a une belle médaille à Rio aussi. Hein. Oui, absolument. Sandrine Martinet. Bravo. Elle était intraitable. Bon réveil. Bravo. Merci d'être là les copains, merci de nous avoir choisis. Ouais, 6h, 9h, et oui c'est le Virgin Tonic à vos côtés, chaque matin. Il y a toute l'équipe, yeah, ouais. Il y a vous tous, je sais, dans votre voiture, peut-être encore à la maison. Beaucoup de collégiennes, de lycéens qui nous écoutent aussi dans le bus. On pense très très fort à vous, j'espère que vous aimez la télé. Dans un instant, c'est le Zappé comme jamais. Zappé comme jamais. On va zapper, faut à vous de reconnaître les émissions. Vous pouvez gagner une semaine de vacances. Une semaine de vacances pour 4 personnes. Tout frais payé. On a Coldplay qui arrive. On a le réponse à tout de Clément Lincruste. Oui. Mais pour le moment, je voudrais qu'on parle. On a deux beaux appels. Regardez ça. Benjamin, Barbara qui viennent d'arriver au standard. Salut tous les deux. Salut les amis. Salut tout le monde. On parlait avec vous alors du fait que on fasse beaucoup les courses. D'ailleurs, on m'a envoyé un sondage. Oui. Un chiffre. 6 Français sur 10 font leurs courses le week-end. Bah, parce qu'on n'a pas le choix. Ah ben. Alors, je pensais même que c'était plus. Moi aussi. Donc, vous voyez, c'est pas tant que ça quand même. Bah, quand même. Bah, non, c'est mais de la moitié. Quand tu finis tôt, tu peux faire tes courses. Moi, je fais les courses en semaine. Dès que je rentre, je les fais quand c'est encore ouvert. Pourtant, Laure, elle finit tôt, elle les fait comme le week-end. Oui, mais c'est pas encore ouvert, les supermarchés, quand t'es fini, Laure. Benjamin, et on cherchait qui était, selon vous, le plus relou à la caisse. C'est qui, selon toi, Benjamin? Alors, selon moi, le plus relou à la caisse, c'est, tu sais, quand tu poses juste tes produits sur le tapis, la caissière, elle pipe, et que là, la cliente, eh ben, elle prend le temps de tout classer dans ses sacs, tu vois. Ah oui. Tout ce qui va au frigo avec ce qui va au frigo. Bah, les boîtes de conserve avec les boîtes de conserve. Avec la salle de bain. Alors, Benjamin, je comprends tout à fait, mais ça, moi, je tolère. Mais oui, je comprends, je comprends que ce soit énervant. Ah, moi, je tolère, je tolère. Moi, je viens direct avec mon frigo, moi. Eh, tu sais que je viens direct avec mon frigo sur un trophée palette, je remplis mon frigo et je repars avec mon frigo direct, Clément. Bah, moi, je mange sur place, en fait, je me fais cuire mes trucs. J'ai un petit réchaud au bout de la caisse, je mange et je rentre chez moi. Oui, Nico du bureau. Non, mais en vrai, vous faites tout ça, vous faites tous la course avec la caissière. Tu sais, quand elle met les conserves, etc., qu'elle les passe sur le tapis. Moi, non, toi, t'essaies de vite les rentrer dans les sacs avant qu'il y ait le prochain article qui arrive. Moi, ça fait une heure que je suis dans le supermarché, je supplie ma chérie de bien vouloir acheter les bonbons, là, qui est à la caisse. Dès que je vois les chewing-gums et tout, je fais, je veux cela à la pomme. Oh mon dieu. Et ouais, j'essaie de les avoir. Oui, c'est triste. Ma chérie, c'est qui selon toi le relou à la caisse? Alors moi, ça va être la famille nombreuse, tu vois, la famille de 3 enfants. Et la mère, elle a oublié des produits dans le magasin. Et donc, chaque enfant va partir, bien sûr, à l'autre bout du magasin, chercher tous ses articles. Alors, alors je vous donne qu'une technique, mais je sais que vous l'avez tous, je suis sûr. C'est que quand on oublie un truc avec ma chérie... On pourrait croire que le plus malin, c'est que t'as pas envie de traverser le supermarché. Non, non, non. T'as pas envie d'être la personne qui reste en ayant honte de faire attendre tout le monde. Ouais, ouais. Chaque fois, je dis, j'y vais, pas de... J'ai oublié de peser les citrons, tu fais, j'y vais, pas de problème. Mais là, je suis le gars le plus dynamique au monde. Parce que quand c'est toi qui reste à la caisse, qui fait, va pas tarder. Hein, ah là là, on oublie toujours un citron, hein, c'est marrant. tu sais plus comment meubler. Je préfère être le gars qui court vers les citrons. Barbara, Benjamin, je vous embrasse tous les deux très fort. 7h36, réponse à tout. Eh oui, Clément descend dans la rue chaque jour, vous pose des questions les enfants et vous avez énormément de réparties. On peut jamais, jamais, jamais faire mouche. Et je leur ai demandé comment il fallait faire pour être un mec frais, un mec branché quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être super branché? Qu'est-ce qu'on entend par branché? À la mode. On s'habille bien? Faut être comme moi. C'est-à-dire? C'est-à-dire branché. Enfin, branché, c'est-à-dire bien habillé, avoir des amis, être gentil. Et surtout, faut être beau gosse. Parce que si on n'est pas beau gosse, ben, on n'est pas branché. Faut être un peu genre connu de tout le monde. Faut avoir une bonne notoriété. Sentir bon, avoir une bonne odeur, une belle coupe. Pour être branché, faut faire quoi? Faut être bien sapé. Genre, avoir des beaux habits, être genre... coordonner ses fringues, genre pas mettre des couleurs qui vont pas ensemble. Faut avoir des amis et faut pas se la péter parce qu'après c'est plus crédible. Réponse à tout. Merci les enfants, à 7h37 on écoute Coldplay, je vous souhaite encore un très bon réveil, beaucoup de courage à vous, c'est vendredi. Hi, this is Christian Van Coldplay on Virgin Radio. Virgin Radio. All angels fell from above. You know you made my world light up. When I was down, when I was hurt, you came to lift me up. Life is a dream and love's a drug. Oh, now I think I must be to let it flow. réveil à vous tous sur Virgin, 8h-20. Virgin de Nuit. J'espère que tout le monde va bien, les copains. L'équipe est là. Oui, oui, bien sûr qu'elle est là, l'équipe. Peut-être que vous êtes dans le bus. En train de vous dire que la veste que vous avez mise est trop chaude, et pas assez chaude pour ce matin, et sera trop chaude pour cet après-midi. Ah ouais. Tellement galère. C'est pas pénible ce moment. Là, je suis bien le matin, mais je vais avoir chaud la journée, Clément. Moi, je suis parti et j'ai regardé sur mon téléphone les températures, et je me suis trompé, en fait, je sais pas pourquoi, c'était Lisbonne, sur mon iPhone. Je suis parti, il fait déjà 24. Je suis parti le soir, et après, je me suis dit, ah non, il faisait 6 heures. J'ai parti tôt parce que j'étais quand même à 1200 bornes du travail. Donc, je me suis dit, voilà, pas simple pour venir ce matin. Les amis, je vous ai promis un jeu, et je vous ai promis un beau cadeau. J'ai une semaine pour vous, là, à la mer ou à la montagne. J'ai Stéphanie qui est là au 3916 qui s'inscrit. Ça va, Stéphanie ? Bonjour, Camille. Super, je suis trop contente de t'avoir. Bonjour, ma belle. Tu viens d'où ? Je viens de Bar-le-Duc, dans Grand Est. D'accord, très bien. Et je vous ai promis un jeu. Eh bien, ma petite Stéphanie, il est pour toi et pour vous tous qui nous écoutez. J'espère que tu regardes beaucoup la télé ? Oui, pas mal, ça va, ouais. J'en regarde un petit peu. Eh bien, ça va te servir, c'est le Zapper comme jamais. Zapper comme jamais, zapper comme jamais, zapper comme jamais, zapper. On voulait juste faire ce jingle. Tout part de ce jingle. Alors attention, principe est simple. On va te mettre devant la télé, Stéphanie. Oui. On va te bander les yeux. Et on va voler ta télé. Super jeu. Et on va passer 5 extraits d'émissions. Ils vont s'enchaîner. 5 extraits d'émissions. Si sur les 5, tu reconnais au moins 3 émissions, ce sera gagné pour toi. D'accord. Ok. Vous qui êtes encore à la maison, en voiture, jouez avec nous, c'est parti. Bonne chance à toi. Merci. Avec Stéphane, ce qui compte, ce n'est pas la méthode, mais bien le résultat. Quitte à passer en force. Ah, on y va. Oui, bah ça, c'est pas grave, on démonte. Le sens, il n'est pas en jeu pour Antoine Griezmann, à qui il a manqué quelques petits centimètres pour aller toucher ce ballon de la tête. Quelle justice! Victor a récupéré le contrôle de l'entreprise qui porte son nom. C'est normal. C'est également le nom d'Adam, et c'est Adam qui a permis à Newman de remonter la pente. Émilie, Marie, Anaïs. Comme vous le savez, la voix a décidé de vous confier une mission de la plus haute importance. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est le vrai talent de magicien. Et puis l'idée qu'il a eue d'agrémenter tout ça d'une manière complètement originale. C'est magnifique, c'est magnifique. Stéphanie. Oui. Je reviens vers toi. Stéphanie. C'était dur. Ah ouais, c'est pas simple, mais il y a un beau cadeau à la clé. Alors. T'es pas obligé de me les donner dans l'ordre. Est-ce que tu as reconnu la première émission, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième? Je vais déjà faire par ce que j'ai reconnu le plus. Donc il y a Secret Story. Tout à fait, ici la voix. Voilà. Il me semble, je suis pas sûre qu'il y a Téléfoot. Ouais, c'est. Ah oh, oui, on peut. On accepte, il y a du foot quoi. Il y a du foot. Il y a du foot. C'est un commentaire d'un match de foot. Voilà, je vais te l'accepter, ouais, Stéphanie, hésité. Parce que j'aime parler du cul. Merci, c'est gentil. Il n'y a pas possibilité de les réécouter juste après. Et non, et non, et non, et non. Le dernier. Le dernier est très facile. Le celui du milieu, il est compliqué, je peux te l'avouer. Le premier et le dernier, ils sont très faciles. Ouais. Le premier. Je te fais réécouter le premier. On te fait réécouter le premier. C'est parti. Avec Stéphane, ce qui compte, ce n'est pas la méthode, mais bien le résultat. Quitte à passer en force. Hop, on y va. Oui, bah ça, c'est pas grave, on démonte. Alors, je suis sûr, et vous qui nous écoutez, vous êtes très nombreux à avoir reconnu. Vous arrivez peut-être à l'instant, vous nous rejoignez sur Virgin Radio. J'espère que tout va bien pour vous. On est en direct, c'est le jeu Zappé comme jamais. Il faut reconnaître 5 extraits télé, les amis. Pour une semaine de vacances, on est avec Stéphanie. De Bar-le-Duc, le Grand Est. Attention. C'est je facile. Pourrais avoir un tout petit peu d'aide pour le premier. Alors, le premier, bon, tu l'as pas trouvé, c'était Maison à vendre. Ah, oh, mais ah oui, Stéphane. Oh, eh ben Stéphane oui, Plaza. Stéphane Plaza, oh, on visite les maisons, machin, machin. Oh oui, oui, oui. Oh, en plus, j'adore, je regarde tout le temps. Et oh, le dernier, on parle de magicien, c'est génial. Julien Lepers. Non, magicien, pas Julien. Ben oui, mais. Ah, on parle d'un magicien? Non, mais quelqu'un qui a parlé de magicien. Mais non, mais c'était le plus grand cabaret du monde. Oh. Ah oui, j'allais le dire. Ouais, Mais dans 20 minutes. Les femmes. Ça fait bien 10 minutes qu'on est ensemble. Je veux dire. Et non, ma chérie, c'est perdu malheureusement. Il y avait les feux de l'amour, mais alors ça, c'était très difficile. Ah, les feux de l'amour, si je l'avais, celui-là, vous m'avez pas laissé le temps de le dire. En fait, j'étais partie du premier, puis en fait, j'allais le dire, j'adore. Ah, d'accord, ouais, d'accord. Mais t'avais dit le match de foot qui était avant les feux de l'amour. Voilà, bah non, bah ouais, mais le match de foot, ouais. Ah là. Oh, s'il vous plaît. Eh, je suis désolé, ma Steph. Je suis désolé, ma petite Steph. Malheureusement, c'est perdu. Tu avais reconnu le match de foot. On t'a déjà dit, téléfoot, c'était un match de foot. Secret story, mais tu sais quoi, c'est pas grave. On va te trouver un très très beau cadeau, ma belle, d'accord? D'accord. Bon, j'avais les feux de l'amour en plus. Oh, je l'avais. Ah, je pensais qu'il fallait les dire un par un, quoi. Je pensais que. T'inquiète pas, je suis habitué à cette voix de déception pour les femmes qui se révèlent à mes côtés. Ne t'inquiète pas, ma Stéphanie. Ça va aller. Je t'embrasse très très fort, ma belle. Bisous. 7h46. Reste avec nous. Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Voilà ce qu'on écoute dans le Virgin Tonic. Excellent réveil. Wishing the well, don't ask me, I'll never tell. I looked to you as it fell, and now you're in my way. I trade my soul for a wish, pennies and dimes for a kiss. I wasn't looking for this, but now you're in my way. Your stare was holding, ripped jeans, skin was showing. Hot night wind was blowing, where you think you're going, baby? Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number. To look right at you, baby. But here's my number, so call me, baby. Hey, I just met you, and this is crazy. But here's my number, so call me, baby. And all the other boys try to chase me, but here's my number, so call me, baby. You took your time with the call. I took no time with the fall. You gave me nothing at all, but still you're in my way. I beg and borrow and steal at first sight, and it's real. I didn't know I would feel it, but it's in my way. Your stare was holding, ripped jeans, skin was showing. Hot night wind was blowing. Where you think you're going, baby? Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number. To look right at you, baby. But here's my number, so call me, baby. Hey, I just met you, and this is crazy. But here's my number, so call me, baby. And all the other boys try to chase me, but here's my number, so call me, baby. Oh, you came into my life, I missed you so bad, I missed you so bad. To look right at you, baby. But here's my number, so call me, maybe. Hey, I just met you, and this is crazy. But here's my number, so call me, maybe. And all the other boys try to chase me, but here's my number, so call me, maybe. Before you came into my life, I missed you so bad, I missed you so bad. C'est bienvenue sur Virgin Radio. Merci de nous être fidèles chaque matin. On sait qu'on vous adore. 6h, 9h, c'est un bonheur de se réveiller à vos côtés chaque jour. C'est le Virgin Tonic. Le vendredi, on est là aussi, bien sûr, à vos côtés et en direct avec toute l'équipe. Oui. Avec le pop rock électro de Lover que vous aimez. Gnash, I hate you, I love you. Un loyer aussi, le dernier de la semaine, à 8h20, à vous offrir. Loyer 7-12-13 par SMS pour vous inscrire. À tout de suite. Il y a des prix qui vous font dire « Bon, bah on utilisera des boîtes à chaussures pour ranger les outils !» Et il y a les prix Leroy Merlin. Jusqu'au 19 septembre, pendant l'opération Mon Projet Rangement, 399 euros seulement l'abri de jardin Marquise en sapin naturel et ses murs exploitables à 100%. Porte vitrée incluse, assistance téléphonique incluse. Chez Leroy Merlin, les prix vous font dire « Là, je suis sûr de faire le bon achat !» Leroy Merlin, et vos envies prennent vie.

vous tous, merci d'être là avec nous, 8h05, c'est le Virgin Tonic à vos côtés chaque matin, bien sûr, toute l'équipe est là, 30 minutes pour nous joindre. Ça, d'ailleurs, je vais prendre quelqu'un. Oui. On va avoir besoin de quelqu'un d'entre vous. Vous êtes très nombreux au standard. On va prendre quelqu'un au 39-16. J'espère en tout cas que cette matinée se passe bien pour vous. Vous qui peut-être commencez le boulot à 8h, encore en train de chercher une place, on pense fort à vous. D'autres sont encore en train de déposer les enfants à l'école. Quoi qu'il en soit, ce soir à la télé, le vendredi, il y a une émission que je ne rate jamais. Et on a fait ça la semaine dernière. J'ai décidé qu'on le fasse dorénavant chaque semaine. Ah, très bien. Chaque semaine, quand le soir il y a Koh-Lanta, on fera un nouveau conseil de classe. Voilà. Un conseil de Koh-Lanta, comme à la fin de chaque Koh-Lanta, pour éliminer le pire aventurier de la semaine. La semaine dernière, sans surprise, c'est Laure qui a été éliminée. Bon, sans surprise. Qui a réintégré la tribu, mais peut-être que cette fois-ci, quelqu'un d'autre a été le pire aventurier du Virgin Tonic de la semaine. C'est le conseil, c'est parti. Cette semaine, l'équipe du Virgin Tonic va encore devoir éliminer le pire aventurier. Qui a mangé le plus de tartines de manioc le matin. Qui a bronzé au lieu d'aider sur le camp. Qui a essayé de monter une alliance avec une radio adverse. Il est temps de voter. Les aventuriers sont réunis. Laure, l'intrépide. Oui. Féru de sport. Laure a un mental d'acier. Clément, le bon copain. J'ai voté. Magasinier chez Volvo. Clément a développé des facultés qui lui seront essentielles sur l'île. J'adore les portraits, moi c'est les portraits que j'adore. Ginger, Pauline, Nico du bureau. Ils peuvent tous être éliminés par l'équipe. Je rappelle que vous devez dès à présent écrire le nom de la personne que vous souhaitez éliminer sur un papier parce que en fonction de qui vote, il ne faut plus que ça change. Je vais également intégrer un invité surprise à ce conseil. C'est Sandy, au 39-16, qui pourra également ajouter son vote pour savoir quel aventurier du Virgin Tonic sera éliminé. Bonjour Sandy. Salut Camille, salut tout le monde. Salut Sandy, pragmatique et malicieuse. Et prête à tout pour remporter et faire la fierté de son père. Alors attention. Sandy. Oui. Je te demanderai ton vote à la toute fin. D'abord, je vais me tourner vers tous les aventuriers. Okay. Il est maintenant temps de voter. Et nous saurons quel aventurier va être éliminé. Clément, oui. Le requin fugace. Laure, oui. La voleuse de coquillages. Nico, le barbu stratégique. Ginger, la chica du hashtag. Ou encore Pauline, la citerne de Morito. Laure, pour qui votez-vous? Eh bien, j'ai décidé de voter contre Clément. Mais j'ai mis des petits cœurs. Un vote contre vous, Clément. Je sais pourquoi. Qu'est-ce qui motive votre choix? Il m'a mis 21-0 au baby-foot. Je peux comprendre. Clément, pouvez-vous nous montrer à qui va votre vote? J'ai voté contre Laure. Oh. Pour la simple et bonne raison que je sentais qu'elle allait voter contre moi. C'est purement de l'orgueil et c'est 21-1. Et elle m'a quand même mis un but et ça, j'ai pas aimé. Une voix contre vous, Laure. Une voix contre vous, Clément. Ok, ben je rajoute deux petits cœurs. Ginger. Je vote Clément. Ouais, c'est une semaine difficile. Pourquoi Ginger? Clément, parce que définitivement, je ne peux absolument rien lui confier et il est obligé de tout répéter à tout le monde et j'ai de nouvelles fois été déçue cette semaine. Qu'est-ce que j'ai dit? N'en dites pas plus. Non, Laure, on prend pas la parole, je suis en plein conseil. Oh. Est-ce qu'il y a des gens qui coupent de Dibrognard pendant le truc? Ah, je peux avoir un peu de respect? Pardon. C'est quoi? Parce que j'ai pas un pantacourt et des pâtes au gaz? M'écoute. Excusez-moi. Deux voix contre vous, Clément. Une voix contre vous, Laure. Dommage que je vote pas, sinon t'en aurais deux. Pauline du Standard. Alors, pour qui avez-vous décidé de voter? Ils parlent toujours comme ça au conseil parce qu'ils ont pas envie ils que ont les autres sachent. Ouais. Alors que c'est filmé, quoi. C'est ça. J'ai voté contre Clément. Oh non, mais c'est mon ami. J'ai dessiné un petit hamburger parce qu'il me vole mes réserves de nourriture à la cantine. Très bien. Je vois qu'il y a une alliance. Si vous êtes des fidèles, une alliance entre les filles ouais. À l'ère de cette fête dans Koh-Lanta. Alors attention. Nico du bureau n'a pas encore voté. Sandy n'a pas encore voté. le prochain vote, Clément, peut déjà être décisif. Alors, on le découvrira dans un instant. Reste avec nous sur Virgin Radio. Il est 8h tout pile. Ouais, il en spagnache dans Koh-Lanta. Restez avec nous sur TF1. Dans un instant, Paquito. Comment voulez-vous que je m'en sorte ? Je suis pas du tout crédible. Oh là là là là. Bon, le conseil, Clément, il est affecté. Hein. Ouais, en fait, il est très affecté. Pour l'instant, Clément, il est sur la sellette. Est-ce que c'est le pire aventurier de la semaine ? Est-ce qu'il est éliminé ? Je rappelle, quoi qu'il arrive, le pire aventurier, ça sent mauvais pour Clément, ouais, devra finir l'émission avec un gage. Ah. Le gage, je l'ai dans la main. Ah. Restez avec nous. 8h, on fait un point sur l'actu, on revient. Your radio. Pop rock. Electro. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, une belle journée aujourd'hui sur l'ensemble du pays avec beaucoup de soleil, un mercure très agréable, 27 degrés en moyenne cet après-midi. Le soleil va rester bien présent tout le week-end, à part quelques averses attendues demain sur les pays de la Loire et la Normandie. Les rotations d'hélicoptères ont repris ce matin dans les Alpes. 33 personnes viennent de passer une nuit à la Belle Étoile, à des centaines de mètres au-dessus du Mont Blanc, prises au piège d'un téléphérique défectueux. Les cabines se sont immobilisées au-dessus du vide à la suite d'un problème de câble. 77 autres touristes avaient pu être électroyés ou descendus en rappel hier avant la tombée de la nuit. Et l'on apprend à l'instant une bonne nouvelle, le téléphérique a pu être remis en route. La France a probablement échappé de très peu à un attentat. Trois femmes âgées de 19 à 39 ans ont été arrêtées hier soir dans l'Essonne. Le ministre de l'Intérieur assure qu'elles ont été appréhendées alors qu'elles préparaient une attaque. Une arrestation en lien direct avec la découverte à Paris d'une voiture remplie de bonbonnes de gaz. L'une des femmes interpellées hier est la fille du propriétaire de la voiture. Elle aurait tenté de faire exploser le véhicule. À propos de terrorisme, 260 individus en lien avec des filières ou opérations terroristes ont été arrêtés depuis le début de l'année. Bernard Cazeneuve indique ce matin dans le quotidien La Presse de la Manche que 689 Français ou résidents habituels en France sont actuellement présents en Syrie et en Irak. Le ministre de l'Intérieur qui annonce par ailleurs une baisse de 9% du nombre de morts sur les routes au mois d'août, 302 personnes tuées, soit 30 vies épargnées par rapport à la même période un an plus tôt. On s'active à droite. Les candidats à l'investiture pour 2017 déposent aujourd'hui leur dossier de parrainage pour la primaire. Ils devraient être 7 ou 8 sur la ligne de départ. Sarkozy, Le Maire, Juppé ou encore NKM. La liste définitive des candidats sera dévoilée le 21 septembre, une fois que tout sera recompté et vérifié. Scrutin les 20 et 27 novembre. À l'étranger, une très grosse secousse cette nuit vers 2h30 en Corée du Nord. Une explosion dans le nord-est du pays, un séisme de magnitude 5,3. C'était encore une fois Kim Jong-un qui faisait joujou avec ses fioles d'uranium. Plus sérieusement, la Corée du Nord confirme ce matin avoir procédé à son 5e essai nucléaire. Il va falloir beaucoup de puissance à Gaël Monfils pour venir à bout de Novak Djokovic ce soir en demi-finale de l'US Open. Match à 21h sur les courts new-yorkais. Gaël Monfils qui peut réaliser l'exploit, lui qui n'a encore perdu aucun set à Flushing Meadows. Chez les filles, la finale se jouera demain entre la Tchèque Karolina Pliskova, tombeuse de Serena Williams, et Angélique Kerber qui s'est qualifiée ce matin. Voilà pour l'actu, tout de suite c'est Virgin Tonic. Très bon réveil. Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre sur Virgin Radio, 8h04. J'espère que cette matinée se passe bien pour vous. Elle est en train de se passer beaucoup plus mal pour l'un de nos aventuriers. Chaque vendredi, jour de Koh-Lanta, il y a dorénavant le conseil du Virgin Tonic. Le pire aventurier de la semaine est éliminé et devra terminer cette heure d'émission avec un gage. Je vous rappelle où on en est, nous avons Sandy au téléphone qui n'a pas encore voté. Ça va Sandy ? Oui. Très bien. Sandy, pour l'instant, on a vécu le vote de Laure, de Ginger, de Pauline, de Clément. Il manque ton vote. Ouais. Il manque le vote de Nico du bureau, qui va peut-être faire exploser cette tribu Maasai. Je rappelle, pour l'instant, 3 voix contre vous, Clément. Oui. 1 voix contre vous, Laure. Oui. Le prochain bulletin peut déjà être décisif. Nico du bureau, pour qui va votre vote ? Je sais déjà. Moi, je cherche pas de stratégie. Moi, je reste pragmatique. Oh là là. Il y a eu clairement. Il y a eu une stratégie. Une alliance des filles. Non, toutes les filles ont voté Clément. Sous la pression. Et moi, je cherche simplement à parler boulot et pas. Je suis pas dans l'affect. Je vais voter pour Laure. Ah oh. Quoi? Laure. Non. Deux voix contre Laure. Cette semaine encore, elle m'a fait croire qu'elle devait aller chercher sa fille à l'école. Elle est partie du bureau. Oui, Laure. C'est pas possible. Mais c'est lui qui m'a dit de voter Clément. Ouais. Mais oui, moi aussi. Quel lâche. Et on appelle ça, c'est pas pour rien qu'on l'appelle Barbu le stratège. Beubar le stratège. C'est son surnom sur le camp. Ouais. Vous vous êtes fait berner. Clément, trois votes. De votre compte, Laure. Tout va se décider là. Sandy. Oui. Il est temps maintenant de me donner ton vote. Savoir quel aventurier. Écoute, j'hésitais entre plusieurs personnes. J'hésitais entre Nico, Pauline, Clément, ah oui. Laure, tous, voilà. quasiment toute l'équipe, sauf toi, bien sûr. Et puis, je vais voter contre Clément. Oh pourquoi ? Clément, les aventuriers du Virgin Tonic ont voté en leur âme et conscience. Par 4 voix, vous êtes élu. Plus mauvais aventurier de la semaine. Ah là là, Clément, rejoignez-moi. J'arrive. Prenez votre flambeau. Remettez-moi votre casque. Mets-moi ton insigne et ton arme. Merci. C'est quoi le gage ? Clément, la tribu a voté. Et vous êtes éliminé, leur sentence est irrévocable. Il ferme là. Clément. Vous voulez adresser un dernier mot aux aventuriers du Virgin Tonic ? Oui, je voulais juste dire que la semaine prochaine, Nico du bureau m'était mal. Parce que, apparemment, il a demandé aux deux filles, à qui j'étais peut-être le plus adorable cette semaine, de voter contre moi. Et elles l'ont écouté. Elles ont cru vraiment qu'il y avait une alliance. Et c'est lui qui m'a trahi. Clément, j'ai voté pour qui, là ? Bah oui, mais t'as manipulé ça. Une nouvelle fois, Koh-Lanta montre que c'est un jeu de stratégie. Ah ouais, vraiment. Clément est donc éliminé. Le gage de Clément, il est très simple. Oui. Clément, dans un instant, le temps d'écouter Gnash, Hate You, I Love You, devra donner les 8 premiers numéros de son numéro de téléphone portable. Un numéro de téléphone portable, c'est 10 numéros. Clément donnera les 8 premiers. Et après, vous avez le week-end pour vous amuser. Restez avec nous sur Virgin Radio. Merci ma Sandy. Koh-Lanta, c'est terminé pour le moment. N'oubliez pas, 8h20, un nouveau loyer à gagner. C'est très important, loyer au 7-12-13 par SMS pour vous inscrire. C'est très important pour deux raisons. Non seulement c'est un très beau cadeau, mais en plus, chaque SMS augmente vos chances d'être le grand gagnant des 50 ans de loyer. Là, vraiment, alors le SMS est payant, donc on voulait qu'il vous double vos chances de gagner. N'hésitez pas à vous inscrire. Rendez-vous à 8h20, c'est loyer au 7-12-13 par SMS. Et Gnash tout de suite. I hate you, I love you. Bon réveil. But I can't put nobody else above you. I hate you, I love you. I hate that I want you. You want her, you need her. And I'll never be her. I miss you when I can't sleep. Or right after coffee, or right when I can't eat. I miss you in my front seat. Still got sand in my sweaters from nights we don't remember. Do you miss me like I miss you? Messed around and got attached to you. Friends can break your heart too. And I'm always tired but never of you. If I pulled a U on you, you wouldn't like that. I put this real out but you wouldn't bite that. I type a text but then I never mind that. I got these feelings but you never mind that. No, oh, keep it on the low. You're still in love with me but your friends don't know. If you wanted me, you would just say so. And if I were you, I would never let me go. I hate you, I love you. I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you. I hate that I want you. You want her, you need her. And I'll never be her. Like she's the only girl you've ever seen. Bon réveil à vous tous, merci d'être là sur Virgin Radio, 8h11. Merci de nous avoir choisi, c'est vendredi, courage, courage. Je sais que c'est jamais très très simple le vendredi, on est un peu plus fatigué. Nous on est très heureux en tout cas d'être là avec vous. Vous êtes sans doute en voiture, en train de déposer les enfants à l'école, en train de partir au travail, peut-être dans les transports en commun. On est là tous ensemble et on doit régler les choses. On a un gage. Ouais. Si vous venez de nous rejoindre, on a fait comme chaque vendredi avant Koh-Lanta, le conseil du Virgin Tonic. On élimine le plus l'aventurier, hein, on élimine le plus mauvais aventurier de la semaine. La tribu a voté Clément. Suite à une énorme stratégie de Nico du bureau. Très bon, hein, parce que sa place était dangereuse et il a réussi à inverser la tendance très très fort. Eh bien, sachez que le gage de Clément va avoir lieu tout de suite. Si vous nous écoutez, c'est très simple. Clément doit donner les 8 premiers chiffres de son numéro de portable. Je l'ai devant moi, donc je sais s'il dit pas de bêtises. Il en a qu'un, que ce soit clair. Il n'y a qu'un téléphone. Clément, j'ai le numéro là, tu ne peux pas tricher, Clément. Est-ce que je peux donner les 8 derniers? Pas beaucoup de deviner si c'est 06 ou 07. Voilà. Alors attention, Clément. Je les donne vraiment ou pas? Ah bah oui, je vais même te dire mieux, t'es obligé parce que avec Robin, notre réalisateur, on l'a fait afficher dans, sur tous vos postes radio là. Ce qu'on appelle, ce qu'on appelle le RDS, vous savez, on peut écrire tout ce qu'on veut. Donc là, sur votre radio, vous êtes en train de voir s'afficher les numéros de Clément. Et pour les autres qui sont pas en voiture. Mais non. Pour les autres qui ne sont pas en voiture, sachez que Clément va les donner. Mais sinon, là, sur toutes les postes radio dans les voitures, les 6, les 8 premiers numéros de Clément sont en train de s'afficher. Clément, je vais recevoir des photos de gens nus. Non, je prends pas. Clément, on t'écoute. J'ai le droit de faire des énigmes un peu pour. Le 06. 06. Moi, je l'ai devant moi, donc je témoigne. Après, c'est une année où on a gagné quelque chose de 98. Bien en football. Ouais, merci. Voilà. Après, évidemment, c'est mon département. Je dis rien de plus. 85. La Vendée. Et voilà, ça fait 8. Non, non. Ça fait 6. 06, 98, 85, je le connais plus. Bon, allez, le dernier, on donne pas jusqu'au bout. Ah non, on donne pas jusqu'au bout. Okay. Le dernier, c'est le 17. L'avant-dernier, ouais. Ouais, l'avant-dernier. 06, 98, 85, 17. Je connais par cœur. Maintenant, il vous reste. Allez, à trouver le dernier. Non, je donne pas le dernier, c'est ça qui est marrant. Mais sachez que là, en plus, sur tous les postes, là, il s'est affiché. Au cas où vous n'ayez pas eu le temps de voter. Ah oui, mais Clément, vous êtes le pire aventurier de la semaine, hein, fallait bosser, hein. J'étais victime d'un complot. Et ben voilà, Les amis, merci d'être avec nous, en tout cas, sur Virgin Radio. 8h13, on va se retrouver dans un instant. Avec le loyer, quand même. Eh oui. Alors, vous voulez vous inscrire pour le loyer, vous envoyez loyer au 06 98 85 17. Appelez Clément direct maintenant. Non, loyer au 7 12 13 par SMS, vous laissez bien votre numéro de téléphone. Ça commence à sonner. Bah oui, ça mais commence comme, forcément. Mais non, c'est autre chose. Ah oui, bien sûr, oui. Bon, les amis, le loyer qui arrive dans un instant direct sur Virgin Radio. Inscrivez-vous, on revient, on est là avec vous jusqu'à 9h. Encore plein de choses qui arrivent dans l'émission. Virgin Tonic. Virgin Tonic. Tous les matins, 6h, 9h. Sur Virgin Radio. Madame Thierry, vous êtes diététicienne et vous souhaitez nous parler du petit déjeuner. Oui, il est vraiment essentiel de prendre un petit déjeuner complet tous les matins. Et le lait Viva de Candia peut y contribuer ? Tout à fait. Aujourd'hui, 60% des adolescents manquent de calcium. Or, un bol de lait Viva chaque matin apporte près de 40% de leurs besoins journaliers. Viva de Candia, c'est aussi des vitamines. Exact. C'est pourquoi Viva est un lait si complet. Viva contient de la vitamine D, qui manque à près d'un Français sur deux, et 10 autres vitamines indispensables à notre organisme. Des vitamines, du calcium, pour un petit déjeuner complet, on peut faire confiance à Viva de Candia. Merci Madame Thierry. Merci. Viva ! Un peu de silence, s'il vous plaît.

2021. C'est une analyse claire et précise de tout ce que vous souhaitez savoir sur votre avenir. Carte au 72021. 65 centimes plus prix d'un SMS tel qu'au passe. Virgin Radio, Hit. La web radio 100% Hit. All the new music I love. This is Virgin Radio. Virgin Radio Hit. L'une des nombreuses web radios à retrouver sur l'appli et sur virginradio.fr. Tout de suite, paye votre loyer sur Virgin Radio. Et oui les amis, c'est chaque matin sur Virgin Radio, on est les seuls à vous faire ce beau cadeau. Et c'est surtout trois fois par matinée, 6h20, 7h20 et 8h20, là maintenant. Trois tirages au sort par matinée, loyer au 7, 12, 13 par SMS pour vous inscrire. Toutes les heures, tirage au sort. Vous vous faites rembourser ou votre loyer ou votre mensualité de crédit. Et alors là, c'est quand même un moment un peu sympa, puisque pour fêter la rentrée, pour fêter le fait que voilà, pour cette troisième année, chaque fois vous êtes de plus en plus nombreux et chaque matin à nous suivre, on le voit sur les réseaux, on le sent. Merci de parler en bien de l'émission autour de vous. On s'est dit qu'on voulait démarrer cette année avec le plus beau cadeau jamais offert sur une radio en France. Et donc là, on est, ça y est, officiellement à une semaine. Dans une semaine exactement, vendredi prochain, le 16 septembre, exactement à la même heure, on sera en train de vous offrir 50 ans de loyer. Ça va être magnifique. Incroyable. 50 ans de loyer. Vous avez bien raison d'être si nombreux à vous inscrire. C'est peut-être vous le gagnant. C'est non seulement ça vous inscrit pour le tirage au sort de maintenant, mais en plus, le tirage au sort dans une semaine, c'est le même numéro. C'est parmi les mêmes SMS qu'on tirera au sort. C'est parti. À une semaine du gros lot, à une semaine de la timbale. Il est temps de vous payer déjà ce très beau cadeau. C'est un mois de loyer, un mois de mensualité de crédit. Je le répète, remboursé. On vous envoie le chèque, vous en faites ce que vous voulez. Pareil pour les 50 ans. Hein. Vous dépensez l'argent en une fois comme vous le souhaitez. Et on y va, dernier tirage. Je rappelle, on a eu Frédéric Fredo, on l'a eu à 6h20. Joël, allô, c'était il y a une heure. 1700 euros de loyer offert déjà. Et un dernier tirage au sort. Bonjour, qui est là? Bonjour, c'est Itri. Itri, salut mon pote. Salut. Tu fais quoi dans la vie? Bah, Itri. Je suis désolé. Je suis ambulancier. Ambulancier, très bien. Et mon pote, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Virgin Radio. Hey. Eh ouais mon poteau, eh oui, dernier gagnant de la semaine, félicitations, c'est gagné pour toi. T'as un loyer de combien? J'ai un loyer de 560 euros. D'accord, eh bien écoute, 560 euros, c'est le chèque que je te fais tout de suite pour toi. Oui Pauline? Moi j'ai un copain qui s'appelle Itri et je crois que ça veut dire étoile. C'est ça. Oh. Tu vois? C'est quelle origine? C'est Kabyle. Ah c'est beau quand même hein. C'est magnifique. Itri. Ah c'est très très joli mon pote. Et tu viens d'où, je t'ai pas demandé? Des Landes. Les Landes, on connaît bien sûr, les Land Rover, notamment. Bien sûr, on connaît très bien le coin. On connaît bien le coin. Alors, mon poteau, 560 euros, et en plus, tu l'as compris, hein, tu es aussi inscrit pour les 50 ans de loyer, comme vous tous, hein, même vous qui êtes tiré au sort, vous qui n'avez pas eu la chance d'être tiré au sort. Pendant 3 semaines, tous vos SMS sont comptabilisés. Itri, ça veut dire que si je te reprends au téléphone exactement à la même heure la semaine prochaine, je te ferai un chèque de 336 000 euros. Oh, génial. Ah, c'est pas mal, hein. Ah bah ouais, mon pote. Itri, je t'embrasse très très fort. Ben moi aussi, merci bien. Et merci à toi, poteau. Merci de te réveiller avec nous. Il est timide, Itri. Hein. Oui. Puis 8h23, c'est normal, on n'est pas tous bien réveillés. On l'embrasse encore très fort et bravo à lui. Imani, tout de suite, Don't Be So Shy. Voilà ce qu'on écoute, c'est le Virgin Tonic à vos côtés. On est là jusqu'à 9h, on n'est pas encore parti. Hein. Ah ben ça, non. Attention, ouais. On reste à vos côtés, bougez pas. Tonic. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes. Oh, bless me, Father. Don't ask me why. You're right. Oh, my step, I'm in command. Can you feel my heaps in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right. Take off my clothes, oh bless me, Father. Don't ask me why, you're right. And my heart just raced so much faster. I drown myself in your holy water. And both my eyes just got so much brighter. And I saw God, oh, he is so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right. Take off my clothes, oh bless me, Father. Don't ask me why, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right. Take off my clothes and bless me further. Don't ask me why. Excellent réveil à vous tous, 8h26, merci d'être là. Une belle matinée surtout à vous. Et oui, je sais, vous êtes nombreux au travail, vous le déposez là, les enfants à l'école. Encore là, c'est taxi 4, hein. Dernière minute. Ah ouais, c'est dernière seconde devant la grille. Mais courage en tout cas, d'autres sont encore en chemin pour partir au travail. Dans un instant, on fera un point sur l'actu, bien sûr, comme tous les matins à 8h30. Et puis, attention, le réponse à tout de Clément, le dernier de la semaine, quand on descend dans la rue poser des questions aux enfants. Voilà ce qui arrive aux alentours dès 8h35. Et pour le moment, il va encore y avoir des choses. Déjà, je voudrais vous dire, on va vous offrir. Et qu'est-ce qu'on n'a pas encore offert? C'est les PS4. Oui, il reste de la PS4, il reste même encore des places électrochocs. Ok, super. Merci. Parle avec le gars de la Fnac, quoi. Alors, il nous reste. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il faut que je vois un petit peu dans les. Alors, au stock, là, j'ai pas le stock. Ouais, faut que je vois un truc. Je vais voir avec mon collègue, hein, vous bougez pas. Nico, du bureau, quoi qu'il dise, il est chiant. Oui, ouais, Nico. Ouais, il reste en blanc, la PS4, si vous voulez. La Silver. Oui, Pauline, au standard. Et moi, j'ai aucun charisme. Des fois, ils me disent qu'ils vont chercher un truc et ils reviennent jamais. Les vendeurs? À la Fnac, ouais, ça m'est déjà arrivé deux fois. Ils me disent, bon, bah, je vais le chercher, et le mec ne revient jamais. Mais la dernière fois, la Virgin, ils ont carrément fermé tous les magasins. Vous pourriez aller voir un téléphone, fermer les magasins. C'est fini, oui, Clément. Moi, dans les magasins, j'ai l'inverse, j'ai le charisme du vendeur, le nombre de personnes, dès que je m'assois, j'attends des potes ou n'importe. Je m'accoude à quelque chose, ils viennent et ils me demandent, vous l'avez en 38, vous l'avez. Ah oui. On me prend pour un vendeur partout. Ah bon? Ouais, j'ai une bonne tête de vendeur. Oh, j'avais un truc à vous demander, j'ai oublié. Quoi? Ah, je voulais lancer un truc. Vas-y. Ce soir, j'ai un dîner. Ouais. Chez moi. Okay. Et je me dois. Bah, mais c'est énorme. Et depuis ce matin, je voulais vous demander à l'antenne, et vous aussi, hein, au 39, moi, je dis tout à l'antenne. Mm-hmm. Mais j'ai un dîner avec des amis, et je me demandais à quelle heure t'invites tes amis à dîner? Bah, 21h, le dîner, c'est 21h. Eh ben non. J'y crois pas, tu vois. Mais pourquoi? Eh ben, je me disais pareil, et je me dis 21h, ça te fait finir trop tard. Bah non, c'est la bonne heure. 19h, c'est l'apéro. 21h, c'est le dîner. 22h, c'est pour boire un verre. Et faut que, depuis 6h, je vais vous demander ça. Il faut que j'y repense à 8h28. Quelle heure il faut inviter les gens à dîner? Je trouve qu'il faudrait créer une règle. Ouais. Franchement, on fait pas assez de lois, hein, ici, dans le Virgin Tonic. On a fait quoi? Une loi sur le pantacourt? Une loi sur la coupe au bol? Ouais. À un moment donné, il faut faire d'autres lois. À quelle heure on invite les gens quand on a un dîner à la maison? Quelle heure on leur dit de venir? Popo du standard. 19h30. Moi, j'ai faim hyper tôt. Mais non. Ah non, moi, je vous jure, j'ai faim super tôt. Je crois que je vais donner raison à Popo. Et j'aime aller boire des coups dans les bars après. C'est. Ben voilà. Eh ben, Popo, moi, je suis d'accord avec toi. Pourquoi 19h30? Je pense, selon moi. 19h30, déjà, s'il y a des gars comme moi, c'est 20h15. Oui. Ouais, voilà. Voilà. Ceci, 21h, moi, c'est 21h40, donc c'est une galère. Toujours en retard. Et en plus. Comme ça, l'apéro, il est enfin trop tard. Tu passes à table pas trop tard, tout le monde est chez soi pas trop tard. J'adore les dîners chez moi, vous avez remarqué. Laure. Non, mais c'est pas ça, c'est que 19h, les gens finissent de travailler, tout voilà. Ça. Ils n'ont pas le temps d'arriver, ils n'ont pas le temps de repasser chez eux, prendre la petite douche, machin. 21h, c'est l'heure parfaite. Alors, pour les gens comme toi, tu dis 20h15, 20h30, les gens sont là à 21h. Pas bête. Je suis encore à la télé, moi, 20h15, ça va être compliqué. On va pas faire une noix juste pour toi en même temps. Ils viennent dîner sur TPMP, peut-être. Oui, Clément. Non, si c'est le week-end, encore plus tard, je pense. Moi, je mets en semaine, je suis d'accord pour un petit 20h, 19h30, 21h30, voire 45. Parce que si tu sors après, imagine que tu termines le dîner, c'est ça que vous appelez, oui, vous les Français, à 21h30, 22h, t'es obligé d'attendre si tu veux sortir, si tu veux aller dans un bar, si tu veux aller en boîte. Voilà. Alors que là, ton dîner se termine à minuit, il ça faut s'ambiance. Créer une loi. Fabien, à quelle heure tu dirais à des invités de venir chez toi si tu les invitais demain? Salut mon pote. Salut Camille, salut toute l'équipe. Salut. Moi je donne pas d'heure en fait, et chacun vient quand il veut, les portes sont toujours ouvertes. Ouais, mais bon, t'as un resto peut-être, mais après, sinon il faut des heures. Tant pis pour les retardataires, quoi, j'ai envie de te dire. Voilà, ceux qui viennent, ils viennent. Et puis ceux qui viennent pas, bah, ils viennent plus tard. Tant pis, ils arrivent pour le déter. Hein. Je vais vous dire le match. Ginger, sur les réseaux sociaux, on va lancer tout de suite un sondage Twitter. Faisons ça. À quelle heure doit-on inviter les gens? On donnera le résultat et dorénavant, ce sera l'heure à laquelle tous les auditeurs de Virgin Radio inviteront les gens. On met 19h30, 20h, 20h30 ou 21h. Ok. Ok. On voit là le temps des infos. On voit. D'accord. Rajoute la case pas d'heure aussi. Ah, je casse pas d'heure. T'as raison, bon, Fabien. On va voir ça dans un instant. On verra qui récolte le plus de suffrages. Et je veux que tous nos journalistes qui arrivent maintenant nous disent à quelle heure ils veulent inviter les gens chez eux. Leur vote sera pris en compte. Ils démarrent leur flash en nous disant à quelle heure ils inviteraient leurs autres potes journalistes. Pour faire un peu le point sur la primaire des Républicains. Restez avec nous sur Virgin, on revient dans un instant. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, encore de timides averses aujourd'hui sur les Pyrénées, mais sinon ce sera encore une journée bien ensoleillée sur le reste du pays. 26 degrés cet après-midi à Paris, à Bordeaux, 29 à Lyon. Et moi j'inviterai mes collègues vers 18h, l'heure de l'apéro. Il fera encore 33 degrés à Montpellier. Tout le monde descend, le téléphérique du Mont-Blanc a été remis en service ce matin. Le câble qui bloquait la machine a été décroisé. Fin de l'aventure pour les 33 touristes pris au piège des cabines bloquées toute la nuit au-dessus du vide, à des centaines de mètres au-dessus du Mont-Blanc. 77 autres personnes avaient déjà pu regagner la terre ferme dès hier, élitreuillées ou descendues à rappel par les secouristes. La menace d'attentat reste très vive en France. Trois femmes de 19 à 39 ans ont été arrêtées hier soir dans l'Essonne. Elles étaient dans l'œil des enquêteurs depuis la découverte dimanche matin à Paris d'une voiture remplie de bonbonnes de gaz. Trois femmes radicalisées, fanatisées, qui s'apprêtaient à frapper. La principale suspecte avait d'ailleurs prêté allégeance au groupe État islamique. Et c'est dans ce contexte que l'on a appris qu'un ancien membre du groupe islamique armé, le GIA algérien, assigné à résidence en Mayenne, a disparu. Il ne s'est pas présenté à la gendarmerie pour son pointage quotidien. Condamné à mort par contumace dans son pays, l'individu était déplacé de département en département en France depuis 2011. Algérien de 43 ans, marié, père de 4 enfants, il avait été condamné à 10 ans de réclusion dans le cadre de l'affaire des filières tchétchènes, soupçonné de projeter des attentats à Paris. Le PDG d'Alstom, convoqué d'urgence à Bercy, le ministre de l'économie lui demande d'engager une phase de négociation avant toute décision définitive sur la fermeture du site de Belfort. 500 emplois sont à la clé. Sur place, les élus demandent un soutien de l'État via la mise en œuvre de commandes en suspens, histoire d'attendre la fabrication du TGV du futur, pas avant 2020. En tennis, demi-finale messieurs, aujourd'hui à l'US Open. Gaël Monfils opposé à Novak Djokovic ce soir à partir de 21h, suivi de Stan Wawrinka face à Kei Nishikori. La Monf qui peut tenter un truc face à l'ogre serbe, le français est en pleine forme et n'a encore perdu aucun set à New York. En foot, le coup d'envoi ce soir de la 4e journée de Ligue 1. Paris disputera son 1000e match au Parc des Princes en recevant Saint-Etienne à partir de 20h45, la suite demain et dimanche. Et puis la Marseillaise a résonné à Rio. La judoka déficiente visuelle Sandrine Martinet a décroché la médaille d'or française aux Jeux Paralympiques. Elle a été intraitable avec son adversaire. Voilà pour l'actu. Tout de suite, c'est Virgin Tonic avec Camille Combal et toute son équipe. Très bon réveil à l'écoute de Virgin Radio. Bon réveil à vous tous sur Virgin Radio, 8h34, belle matinée, je sais qu'elle a commencé depuis longtemps, vous êtes peut-être encore en voiture et d'autres nous écoutent depuis un bon moment, déjà au travail, merci de nous être fidèles en tout cas, du lundi au vendredi, 6h-9h sur Virgin Radio, toute l'équipe est là, oui, Laure, Clément, Pauline, salut, vous tous, vous êtes si nombreux au 3916, au standard, et puis aussi sur les réseaux sociaux, voilà, j'ai décidé, alors ce week-end j'ai un dîner avec des amis, oui. Je me disais, depuis ce matin 6h, je voulais votre conseil, à quelle heure on invite des gens à dîner, ouais, c'est vrai que ça a été un grand débat hier avec avec ma chérie, on a une vie passionnante. Ah oui. Et voilà, est-ce que c'est vraiment très tôt, genre 19h30, ou au contraire très tard? Alors quel est le résultat de ce sondage? Je rappelle, on vous a proposé 19h30, 20h, 20h30 ou 21h. Ouais. Selon vous, Twitter, c'est le plus important et ce sera dorénavant la nouvelle loi. À quelle heure on doit inviter des gens à dîner le week-end? Ginger. Largement à 19h30. Wow, ouais, ouais. Saucisse, c'est gagné, pas mal. J'ai gagné. Ouais, ouais, je rejoins Pauline. C'est l'apéro. Je l'ai jamais fait, hein. Mais finalement, je crois que c'est la bonne heure. Il y a qu'un truc relou. Quoi? C'est que, alors moi ma chérie est toujours prête en retard, c'est normal, les filles vous préparent un peu plus longtemps sous la douche. Et du coup je me retrouve, dès qu'on fait des soirées avec des amis, je me retrouve toujours à devoir les occuper. Et oui. Dans le salon, ouais. Une chance que je sache faire des claquettes. Du jonglage. J'adore Laure qui me regarde en mode, tu sais faire des claquettes toi? Mais ouais, ça c'est le truc un peu relou. Et alors? C'est surtout que ça me fait penser que mon mec est tellement mal poli quand on reçoit des gens, ça me met mal et tu peux pas savoir. Ah bon? Mais non, mais horrible. Mais pourquoi il fait quoi? Mais parce qu'il fait rien de ce qu'il... Ah, il a pas envie, donc il fait pas d'effort. Genre, il sert pas à boire aux gens. Il se balade nu dans l'appartement. C'est hyper gênant. Non, il va dormir quand il a sommeil. Ah, je le fais moi aussi, je sais que c'est horrible. C'est ah, hyper gênant. Mais c'est horrible. Ouais, je sais, ouais. Bah, non, je sais. Bah, je suis sûr que vous aussi. Alors, Laure et moi, on est en couple depuis longtemps. Vous nous dites maintenant. C'est quand vous nous appelez au 3916. Je vous mets beaucoup à partie ce matin. Je vous demande vraiment. Vous nous appelez au 3916. Dites-nous, vous qui êtes en couple, le truc très relou que fait votre chérie quand vous avez des invités. Ok. Voilà, moi je sais, voilà. Toujours, mais vraiment, toujours prête en retard. Et mais quand je vous dis un moment, c'est des fois une demi-heure à devoir occuper tout le monde. Donc après, t'es crevé, tu vas dormir quand t'as sommeil. Excusez-moi. Oui, Laure. Oui, aussi, il éteint pas la télé. Il continue de regarder la télé quand les invités arrivent. Bah, c'est horrible. Ça me fout mal. Ah ouais, vraiment, il fait aucun effort. Aucun effort. Il y a juste des gens dans son salon, mais il continue sa vie normale. C'est ça. Et moi, comme je suis en cuisine en train de terminer, je peux pas tout gérer, quoi. Ah, bien sûr. Insupportable. Dites-nous vous aussi, oui, Clément. Non, mais si t'oublies de l'éteindre, ça va. C'est si tu l'allumes une fois qu'ils sont arrivés, c'est embêtant. Et si tu mets un DVD, c'est encore pire quand tu leur parles. Jean-Jacques, tu raconteras ta journée plus tard à France-Biélorussie. T'es gentil, merci. C'est horrible. Il y a The Voice Kids. Restez avec nous sur Virgin Radio. Tiens, DJ Snake, voilà ce qu'on va écouter dans un instant. Avant, c'est le réponse à tout. Virgin. Réponse à tout. Et puis avant, là, un petit plaisir, là, un vrai morceau de week-end. On va écouter ça. J'ai trop envie de l'écouter. Je vais vous le passer. J'espère que ça vous fera plaisir. On a un petit extrait. Bien sûr. Alors, écoutez, c'est vraiment là. J'espère que ça va vous faire plaisir. C'est moi qui voulais écouter ça ce matin. C'est pas prévu. Vas-y, mémé. Mon Dieu. Ah, j'adore. Bullitt. Ouais. Watermat. Ouais. Watermat. Ouais. Génial. Na na na na na na. Peut-être tu le sers avant que le patron arrive. On va écouter ça dans un instant sur Virgin Radio. Voilà un vrai morceau qui vous donne envie d'aller bosser. Un morceau qui va déjà vous mettre dans l'ambiance du week-end. Ben c'est ça qu'on va écouter dans un instant. Le temps pour le moment de découvrir le réponse à tout de Clément Lincruste. On parle politique et de ma campagne présidentielle avec les enfants ce matin. Cette année, enfin l'année prochaine du coup, il y a les élections présidentielles. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est pour choisir le président de la République. Alors à ton avis, qu'est-ce que je dois faire si je veux devenir président de la République? Il faut qu'on vote pour toi, sauf que ça va pas marcher. Et pourquoi ça va pas marcher? Parce que t'es trop vieux. Est-ce que vous allez voter pour moi si je me présente aux élections présidentielles? Non. Non. Je crois pas. Hein. Non. Dans tes rêves. Alors maintenant, attendez, je vous donne mon programme. Si je suis président de la République, je donne plus de leçons et il y a des bonbons pour tout le monde. Et je donne de l'argent à tout le monde. Ben moi, je voterai pour toi. Et toi? Oui. Toi quoi? Je ne voterai pas pour toi. Pourquoi? Parce que si tu donnes trop d'argent, on sera pourri gâté. Si tu donnes trop de bonbons, on sera gros. Et si tu ne donnes pas de leçons, et ben on sera débile. Ah bah vive la France. Réponse à tout. Merci les enfants de jouer le jeu chaque matin. Alors DJ Snake, on l'écoute juste après, rassurez-vous. Mais là, j'avais envie qu'on se fasse un plaisir. Oui. Vraiment, et vraiment, n'hésitez pas sur Twitter, vous savez, cette émission, c'est la vote, ça vous fait plaisir. Sinon, dites-nous, on arrête le morceau. Mais j'avais envie d'écouter ça. Ça a un an ou deux, je l'adore, je suis retombé dessus, je suis sûr que ça va vous faire plaisir. Watermat, Bullitt, écoutez le début. J'adore. Allez, là, on est déjà en week-end, les amis. On fait la fête, le Virgin Tonic. C'est jusqu'à 9h à vos côtés. Je vous souhaite encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage à vous tous qui êtes en voiture. Peut-être déjà arrivé au travail. C'est un kiff de se réveiller avec vous chaque matin. 6h, 9h, c'est le Virgin Tonic. J'adore. j'adore. Trop c'est génial. Bien. Qu'est-ce que les gens disent sur les réseaux? Ils kiffent. Oh là là là, j'adore. Bully. Ah oui. Charles Bully. Oui. Oh là là, j'adore. C'est bien ou pas? C'est trop bien. C'est vraiment très beau. Le patron veut te confisquer ton portable. Ah, j'adore. Ah, je suis content. Voilà, ça, ça met l'ambiance week-end, les amis. J'espère que vous êtes heureux, que cette semaine s'est bien passée pour vous. On est à vos côtés jusqu'à 9h. Merci aussi de nous appeler au 3916. 3916, c'est le numéro pour nous joindre. Je vous ai demandé, vous qui êtes en couple, le truc relou, le truc insupportable que fait votre chérie quand vous avez des gens à la maison. Alors, c'est horrible parce que je connais tout ce qu'elle décrit d'insupportable. Tu m'as décrit moi, en fait. Genre, pas trop d'efforts, regarder la télé. Moi, il y a un truc à la télé. Je dis, attendez deux secondes, je regarde un truc à la télé. C'est insupportable. Non, mais c'est Pauline au standard. Mais moi, William, ça fait pas longtemps qu'on est ensemble avec mon copain. Mais même le premier dîner, il s'est levé. On était encore au plat pour aller se chercher un yaourt. Parce qu'il estime que t'es pas au resto, donc si t'as envie de manger le dessert avant, bah tu peux le faire, quoi. Mais après, il faut savoir, il y a une grosse différence d'âge entre Pauline et son nouveau mec. C'est un peu comme dans les bronzés fonds du ski, vous savez. Ouais. Marius, ouais. Quand Christiane, l'esthéticienne, elle ramène Marius, tu sais, avec sa bouteille. C'est du vin blanc. Oh, ben c'est gentil. Non, mais c'est pour moi. C'est un peu pareil, quoi. Ouais. Oui, alors. Motus, Marius est marié. Motus, Willou Landy est marié. On a plein de monde qui nous appelle au standard. Il y a Jade déjà qui est avec nous. Bonjour Jade. Bonjour Camille, coucou toute l'équipe. Bonjour. Salut, salut ma belle, t'es en couple ou t'as été en couple longtemps? Je suis en couple depuis déjà assez longtemps, ouais, ça va faire 7 ans. Ah ouais, 7 ans. Et alors est-ce que quand tu invites des gens à dîner, ton mec fait toujours un truc très relou? Ouais, il fait un truc que je ne supporte plus, en tout cas de moins en moins. C'est quand ma copine Samantha vient, en fait, elle est plutôt jolie et il fait toujours tout pour se retrouver en face d'elle. Donc, il aime bien la taquiner, mais je me dis qui aime bien ça qui vient, donc je me méfie quand même. Mmh. Ah, bah oui. Mmh. Ah, ben, bah, ouais. Écoute, il tant que ça reste au niveau du. Voilà, de la sympathie, qu'il y a pas. Il franchit pas le cap, c'est pas si méchant. Non, mais c'est parce que chez elle, il y a souvent du monde au balcon, si tu vois ce que je veux dire. Ah, donc, il faut toujours être en face, comme ça, il a la meilleure vue. Et comme, bon, bah, moi, je suis pas cachée par la nature, au moins, ça. Je vois ce que tu veux dire, elle a pas de vis-à-vis. C'est voilà. Ça, l'appartement avec un balcon traversant. Oui, Laure. Regarder n'est pas tromper. Ouais, mais. Ouais, bon. Ouais. Mais manger dessus, si, quand même. Regardez, pas tromper, mais bon, quand même, quand t'es avec ta chérie, le minimum, ouais. Tu fais quand même. Une des choses, c'est de pas battre quand même. Oui, Nico du bureau. Parfois, la nuance entre rigoler avec quelqu'un et la séduction, elle est très très fine. Ouais. Et elle c'est vrai fine. Que quand t'es avec une fille, une jolie fille que tu reçois, tu déconnes, et puis bon, tu bois un verre, et puis après, tu déconnes un peu plus. Et tu divorces. Voilà. Tu reçois des gens à dîner, tu bois un petit verre, et puis bon an, mal an, de lâcher le juge. Gabriel, est-ce que toi aussi ta chérie fait un truc qui te saoule? Salut poteau. Ah, salut Camille, salut tout le monde, je suis content que vous soyez là. Merci beaucoup. J'ai une cierge à la rentrée, moi, carrément. Merci Gabriel. T'es en couple toi? Alors, aussi ma femme, ouais, je suis en couple, et ma femme, si tu veux, j'ai l'impression des fois de vivre avec Monk. Parce que vers la fin du repas, tu vois, elle se lève, sans rien dire à personne, elle va dans la cuisine et elle fait la vaisselle. Et elle est systématiquement en galère comme ça, avec la famille, les amis, tous les jeux invités parce que alors Monk c'est un policier sur TF1 qui est plein de toc, il peut pas s'empêcher que tout soit nickel. Et donc ta chérie, plutôt que finir la soirée rigolée, elle préfère aller faire le ménage. Voilà, c'est ça. Parce qu'en plus, elle supporte pas de laisser la vaisselle pour le lendemain. Mais le pire dans tout ça, c'est juste qu'on a la vaisselle quand même. Alors que, Gabriel, toi, ça te pose aucun problème de lui laisser la vaisselle pour le lendemain? C'est ça. Non. Qu'est-ce qu'il y a alors? Non mais le temps de regarder Turbo et tout ça, moi. Ben voilà, bien sûr. Non mais enfin moi personnellement, il fait pas du tout la vaisselle, il débarrasse pas, il fait rien. Et il peut pas y entendre à la télé. il peut pas tout faire. Je t'embrasse mon Gabi, bisous aussi à ma petite Jade qui sont là avec nous. 8h46, on écoute Matt Cohn, Don't Worry. Bienvenue dans le Virgin Tonic. Excellent réveil à vous tous. This is Matt Cohn. You are taking out Virgin Radio. I'll take you to the future. Forget about the past. You can keep all of your secrets. I swear that I won't pass. Let go of all your troubles. I don't care where you've been. The only thing that matters now is where the night will end. And bright big lights are shining on us.

Belle ma vie de ciné à vous tous, les amis, bienvenue sur Virgin Radio, 8h56, peut-être que vous nous rejoignez tout juste, il était temps, hein, parce que là on n'est pas loin de partir, mais merci à vous tous en tout cas de nous être fidèles chaque matin, vraiment on est tellement heureux de passer encore cette nouvelle semaine avec vous, ça fait 15 jours maintenant qu'on est rentré. Oui. Depuis 15 jours on vous a préparé le plus beau cadeau, hein, puisque vendredi prochain à 8h20 ce sera 50 ans de loyer à gagner, vous imaginez ? 50 ans. Et ouais, et depuis deux semaines vous vous inscrivez, aucun SMS n'a été envoyé pour rien puisque vous êtes automatiquement inscrit pour ces 50 ans. Vous êtes peut-être même oublié et dans une semaine, là, je vous aurai réveillé à 8h20 le 16 septembre pour vous dire en fait j'ai un chèque de 300 000 euros à te faire. Ah bah ça m'arrange. Bah, merci. Merci, qui que tu sois, bonne journée. Clément. Et si la personne décroche pas, on appelle quelqu'un d'autre. C'est... Ah, on aura un gagnant quoi qu'il arrive. Non mais ça veut dire que c'est horrible, t'imagines ? Juste t'es sous la douche et on t'appelle à ce moment-là, tu loupes, je sais pas, 600 000 euros. Mais oui, mais c'est le principe. Hein. Bah oui. Ah, mais vous douchez pas, ne vous douchez pas, ne vous douchez pas. Jusqu'au 16 septembre, plus de douche, s'il vous plaît. Les amis, plein de choses encore qui arrivent. Tiens, j'ai un séjour Pierre et Vacances à vous offrir. Oui, ah, bah, il a été perdu tout à l'heure, on va pas repartir avec, y a pas de raison. Donc au 3916, vous vous inscrivez maintenant, appelez-nous vite et je vous l'offre comme ça. Même pas de jeu, gratuitement, en deux secondes. Le temps pour le moment d'écouter la chanson de la semaine, bien sûr. La chanson de la semaine. Allez. Si t'as raté des trucs, c'est la chanson de la semaine. Un résumé de toute notre semaine sur Virgin Radio en chanson grâce à Nico Bou, le musicien de l'équipe. On va chanter avec lui et avec toute l'équipe. Voilà, pour encore vous remercier pour cette belle semaine passée à vos côtés entre 6h et 9h chaque matin. Nico, est-ce qu'on a un titre à cette chanson de la semaine ? Ah, j'avais pas pensé à ça. Déjà, on n'a pas pu tout mettre, évidemment, parce qu'il y a beaucoup d'informations importantes oui, dans cette émission. On fait 3 heures d'émission tous les jours. Là, ça veut dire que la chanson, elle durerait 3 fois 5, 15 heures. Ce serait hyper long. Je propose qu'on l'appelle pogonophobie. Vous allez voir pourquoi. Pogonophobie. C'est la pogonophobie. C'est la pogonophobie. Okay. C'est la peur de l'eau. C'est la peur. Non, on en a parlé. C'est la peur des barbes. Mais oui. Ah, c'est la peur des barbes. C'est la peur des barbes. C'est parti, mon Nico, c'est à toi. Et on chante tous ensemble aussi dans votre voiture. Hein. Oh, il s'en est passé des choses. Cette semaine, oui, tu en as raté des choses. Mais non. Cette semaine, oui, il s'en est passé des choses. Cette semaine. Longtemps on a raté des trucs mec. Cette semaine. Déjà il y a une heure on a élu le pire aventurier de la semaine. La semaine. Bonjour. Cette fois c'est Clément qui l'a perdu. Son casque, son micro et son totem. Oh, il s'en est passé des choses. Cette semaine. Oh, il s'en est passé des choses. Cette semaine. Oui, il s'en est passé des choses. Cette semaine. Oui, tu en as raté des trucs, mec. Cette semaine. On a découvert que l'or expédiait ses colis. Avec les moyens de la radio, c'est pas joli. Joli, joli. Oui, ça marche. Et on a appris le mot pogonophobie. Je crois même que c'est le seul truc qu'on a appris. Il s'en est passé des choses cette semaine. Laure et Camille ont créé leur société. Je comprends pas qu'elles soient pas encore cotées. Comme ça s'appelait Loca, Laure Camille, ça faisait. Attends, on fait ensemble, on se vend. Portique, bureau, garage. Loca, Loca, Loca. Si tu veux plus qu'un badge. Loca, Loca, Loca. Je comprends pas que c'est pas marché, franchement, c'est super. Je comprends pas. Attention, et notre Ginger a eu un rendez-vous galant. Oh. Bon, ça n'a pas donné grand-chose finalement. Mais c'est pas grave, car ça y est, enfin. À Pokémon Go, elle est au niveau 20. Cette semaine, félicitations. Il s'en est passé des choses. Cette semaine. Et on vous souhaite un excellent week-end. Bravo, bravo. à toute l'équipe, sauf Clément. J'ai privé de chansons. Il est comme le barde dans Astérix. On le dit comme un arbre avec un paillon pour pas qu'il chante, Clément. Si je peux me permettre, je suis plus Obélix. Un mélange des deux. Les amis, 11 127 euros de loyer. On vous a ce qu'on vous a offert encore cette semaine. Évidemment, on continue la semaine prochaine. On fera encore mieux. Puis surtout, 50 ans, vendredi prochain, à la même heure, on aura offert le plus gros cadeau qui a jamais été offert sur une radio en France. On aura encore plein d'autres cadeaux, mais là, c'est Pierre et Vacances. Une semaine, tout frais payé pour 4 personnes qu'on n'a pas eu le temps de vous offrir. Sophie, tu es là ? Oui, je suis là. Eh ben, c'est gagné, ma belle. Waouh ! Je suis trop contente. Ben, nous aussi. Bon. Félicitations, ma chérie. Ah bah merci, merci Camille, merci toute l'équipe, merci Virgin, vous êtes au top. Mais t'es un ange ma chérie, on a donné les 8 premiers numéros de téléphone de Clément Lincrus. C'est bon, on s'arrête là ou pas? Si vous êtes avec nous en direct ce soir à la télé, il en pense quoi Camille à 18h10? Je donnerai les deux derniers. Soyez là, je donnerai les deux derniers numéros de téléphone. Vous aurez l'intégralité du numéro de portable de Clément Lincrus. Ce sera ce soir sur C8 dans Il en pense quoi Camille. Merci encore de votre fidélité cette semaine. Vraiment, vraiment un grand merci à vous. On va se retrouver lundi dès 6h. Vous en pensez quoi l'équipe? Oui, oui. Plutôt une bonne idée. Et puis on reste en podcast bien sûr toute la semaine si vous voulez nous écouter tout le week-end, pardon. Et puis sur les réseaux sociaux, on chatte ensemble, on discute bien comment sûr. Ça va. Ouais, moi ça va. Alors je te poke back, qu'est-ce qui se passe? Poke back mountain. On est là, on est à fond Clément. Et on revient avec une question de ouf qui va être géniale. En fait, on s'est imaginé, t'arrives au paradis, t'as le droit à une question. Tu poses laquelle? Ah, imagine, c'est pas t'es mal. À l'entrée du paradis et t'as juste le droit à une question. Ça peut être genre, il est où Charlemagne? C'est où sa chambre? Faut que je le défonce, il a inventé l'école. Si j'arrive au paradis, c'est pas le premier que je cherche, c'est pas Charlemagne. Hein. Je veux dire, Marine Monroe a du souci à se faire. Charlemagne peut passer ses soirées tranquille. 9h03, les copains, c'est parti. C'est Pierre Alès qui vous accompagne avec le pop rock électro jusqu'à midi. Et The Chainsmokers, qu'est-ce que je l'aime ce morceau. Et pour le moment, un dernier point sur l'actu. Avec tous nos journalistes en France qui ont passé encore une fois aussi la semaine avec nous et qu'on embrasse très très fort. C'est parti, bonne journée à vous tous sur Virginia. Rendez-vous lundi 6h. Ciao. Ciao. Radio. Your radio. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, une belle journée aujourd'hui sur l'ensemble du pays. Beaucoup de soleil, un mercure agréable, 27 degrés en moyenne cet après-midi. Le ciel restera bien dégagé tout le week-end, à part peut-être quelques averses attendues demain sur le nord-ouest. Le soulagement pour les 33 naufragés du Mont-Blanc. Le téléphérique a été réparé, le dernier câble qui bloquait la machine a pu être décroisé. Du coup, les 33 touristes qui viennent de passer la nuit suspendus à un fil au-dessus du vide n'auront pas besoin d'être élitreuillés ou descendus en rappel pour gagner la terre ferme. La France a visiblement échappé de peu à un attentat. Trois femmes âgées de 19 à 39 ans ont été arrêtées hier soir dans l'Essonne. Le ministre de l'Intérieur assure qu'elles ont été appréhendées alors qu'elles préparaient une attaque. La gare de Lyon à Paris était visée, selon BFM TV. Arrestation en lien avec la découverte à Paris d'une voiture remplie de bonbonnes de gaz qu'elles auraient tenté de faire exploser. La principale suspecte avait prêté allégeance au groupe État islamique. À propos de terrorisme, 260 individus en lien avec des filières ou opérations terroristes ont été arrêtés depuis le début de l'année. Bernard Cazeneuve indique ce matin dans le quotidien La Presse de la Manche que 689 Français ou résidents habituels en France sont actuellement présents en Syrie et en Irak. C'est le jour J pour les candidats à la primaire de la droite. Il leur reste quelques heures maintenant pour déposer leur dossier de parrainage. La liste définitive des concurrents pour l'investiture sera dévoilée le 21 septembre. Les électeurs se prononceront les 20 et 27 novembre. Le décollage d'une nouvelle compagnie aérienne française, une compagnie low cost long courrier baptisée French Blue. 4 vols par semaine au départ d'Orly à destination de Punta Cana en République Dominicaine. L'aller simple débute à 149 euros. Les places sont à saisir sur le site frenchblue.com. Je serai présent demain à bord du vol inaugural que je vous ferai vivre d'ailleurs tout ce week-end sur Twitter. En tennis, Gaël Monfils face à Novak Djokovic ce soir en demi-finale de l'US Open. Match à partir de 21h heure française. Gaël Monfils qui peut réaliser l'exploit, lui qui n'a encore perdu aucun set à New York. Chez les filles, la finale se jouera demain entre la Tchèque Karolina Pliskova, tombeuse de Serena Williams, et Angélique Kerber, l'Allemande, assurée de devenir lundi la nouvelle numéro 1 mondiale. Première médaille d'or française aux Jeux Paralympiques de Rio, celle de la judoka déficiente visuelle Sandrine Martinet. Elle a été intraitable avec sa concurrente allemande Ramona Brusik. Et puis du foot également. Le début ce soir de la 4e journée de Ligue 1. Le PSG qui va disputer contre Saint-Etienne son 1000e match au Parc des Princes à 20h45. Voilà pour l'actu, très bon réveil.